Rock and Roll Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 28e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Yes! Alright! Hey! Fait que Benoît Gagnon de retour avec nous. Ouais. Comme on avait tranché des rétros. Oui, oui. J'ai encore du linge. Oui, encore du linge en plus. C'est surprenant. Bon, on ne voit pas au-dessus de la table, non, par exemple. Non, là. C'est comme Bernard de Rome. Ouais. Fait que pour ceux qui savaient pas vraiment, Ben est là à toutes les deux semaines. Ouais. Oui, monsieur, oui. À tous les deux shows, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, excuse. Ouais, parce qu'à tous les deux semaines, ça marche pas. Une fois par mois. Une fois par mois. Que tu nous. Qu'on bénéficie de ta présence. C'est gentil. Mais oui. Yes! De ton knowledge. La ouais. Soir, d'ailleurs, t'as encore une pièce d'anthologie gaming. Slow gaming. Ah, c'est ça. Moi, j'aime ça. Que tu parles de ces jeux-là parce que j'ai jamais joué à ouais, ça. Moi, okay, je connais pas encore ça. Ben, moi, je connais juste les pochettes parce que un moment donné, j'en ai eu 8 à vendre puis ça sortait pas partout. Je suis même pas surpris. C'est ça. Honnêtement, le défi, là, ça va être de ne pas s'endormir pendant que vous allez regarder le gameplay. Ah ouais. J'ai hâte de voir ça. On va faire des farces. Fait que, vu qu'on parle de rétro vite, moi, en partant, je voulais juste dire aux gens, j'avais parlé que suite à la marde qu'il y a eu avec le CCJVQ, il y a un autre groupe qui était né. Ben qui oui. S'appelait Retro Gamers Québec. Maintenant, ce groupe-là a un vrai nom. Ça s'appelle Distribution aux collectionneurs. Oh! Oh! C'est DAC? Jeu de mots. C'est DAC. C'est DAC. Je veux le catalogue! Oh, hey, ça serait malade de faire un catalogue. Mais ça, on pourrait. C'est mais il y a un... Ben oui. Hey, c'est ça, déjà. Mettre le monde dans le monde. Je fais le logo, le visuel. Je suis comme admin. Je suis bien occupé sur ce groupe-là. Finalement, ça prend pas mal de mon temps. Mais c'est un groupe très le fun parce que c'est pas... Il y a pas de bisbille. Ben, deux fois un peu. Un petit peu. Mais nous autres, on laisse aller. T'sais. Là, à un moment donné, ça a comme dérapé avec un revendeur en particulier. Tu sais, comme... Vraiment comme... J'ai été témoin de ça, c'était... Un peu colon, là, tu sais. Et chialer pour chialer, finalement. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, ça va trop loin. Bon, mais tu sais, nous autres, on n'est pas là pour bannir personne. Puis va bien. Puis le groupe a maintenant une identité. Puis on a bien du fun. Puis je pense que les gens sont satisfaits. D'ailleurs, on va faire un premier événement de ce groupe-là. Au Fouf, en novembre. Hey, ça change de look, ça change d'humeur. Là. Ouais, man. Moi, j'aime ça faire le party, tu sais. Ouais. Puis, sans manquer de respect aux réunions de CCJVQ, tu sais, c'était des réunions plus dans des salles... communautaires. Paroissiales. Ouais. Tu sais, ce qui est bien correct pour la vente et tout ça. Mais moi, j'étais un gars de party, puis là, l'occasion était là, puis je connais un gars qui m'achetait des jeux, qui était au Fouf, dedans. Il dit « Hey, si tu veux faire de quoi, tu sais? » Fait qu'on va avoir tout le deuxième étage à nous autres. Hey, c'est génial, ça. Ça coûte rien. Puis ils vont ouvrir le bar en haut pour nous. Puis on amène nos shit, man. Puis on saoule la gueule. Puis on fait la fête. Puis on vend. Puis on s'échange des jeux. Il va-tu avoir Killing in the Name of à toutes les fois que tu vas vendre un jeu? Je sais pas. Il pense. C'est pas un peu plutôt au graffiti à Sherbrooke, ça, comme non. Style de musée? Non, ils mettent plus ça. Ils mettent plus ça aujourd'hui. Ah non, ça fait has-been, dire ça. Ouais, en fait, la dernière fois que je suis allé, j'ai écouté un show de Black. Ah oui. Et je me souviens pas de quelle grand musique. Chose. Non, c'est ça, je me souviens pas de grand chose. Ouais, la bière est tellement pas chère là-bas, et nous, maintenant, on oublie tout. Même si tu mets les pieds là, tu oublies tout. Eh oui. Ben oui! Ben, les autres! Ah oui, man, c'est ça, les gars bien chauds. Apprends-les, man, je m'en crie. C'est ça, ouvre le magasin juste quand que la happy hour est finie, tu sais. Ouais, c'est ça. Le gars, il sort des 25 cents, ça t'avance. On t'a acheté un Doc Hunt. Non, c'est vraiment malade. J'ai vraiment hâte. Fait que c'est ça, dans les admins, dans le fond, il y a la gang de RetroGamer.ca, il y a moi, il y a les Power Chasers, il y a Giz de Passemier. Et puis, Jeff Dupuis de Collector Vision. Fait que ce groupe-là, je dirais qu'il regroupe de. Tu sais, comme les YouTubers, les Français, on va dire de même, les Retro Gamers, tout ça. Tu sais, toutes les. En tout cas, c'est une belle grande communauté. Ben oui. Donc, on a bien du plaisir. Venez voir ça sur Facebook, puis on trippe. vendez vos affaires, jasez. Mettons un rein, c'est correct. Ouais, mais... Faut que tu checkes le prix sur Price Charting avant. Ça va pas te faire troller. Non, mais c'est ça qui arrive aussi, par exemple, parce que, mettons, sur le CCJVQ, une personne était bannie automatiquement. Ouais. Puis moi, j'essaye avec ce groupe-là de que justice se fasse toute seule. Ouais. Si tu te pointes sur un groupe de collectionneurs avec des prix pas d'allure, le monde, ils vont te niaiser, tu sais. Ouais. Le monde va s'en prendre à toi automatiquement, puis fait que tu vas peut-être allumer que tes prix sont pas corrects. Ouais. Fait que c'est ça qu'on essaye de faire. Mais tu sais, moi, étant un gars qui est casual collectionneur, ouais, je trouve que c'est plus invitant comme groupe que CCJVQ. CCJVQ, pour moi, c'était intimidant, en fait. C'est même pas, c'est pas méchant pas en tout ce que je dis, mais non, non, ben moi-même, je regardais de l'extérieur, puis j'étais comme, un peu wow, c'est intense leur affaire. C'est vraiment pour les vrais collectionneurs, fait que je vais me retirer, tu sais, tout de suite, j'étais pas, je voulais pas rentrer là-dedans parce que je collectionnais pas hardcore. Tandis que dans ce groupe-là, on a vraiment l'impression de découvrir un peu l'univers des collectionneurs, mais aussi de ceux-là qui veulent juste acheter quelque chose de précis et qu'ils cherchent depuis longtemps, tu sais. Ben, ou juste faire un petit commentaire, ouais. C'est comme plus... c'est moins... Tu sais, on peut déconner un peu. C'est easygoing quand même, c'est là. Très puis, easygoing, c'est le fun. Fait que c'est invitant pour ça. Il y en a pour qui à qui ça déplaît, par exemple, parce que justement, à un moment donné, tu te fais troller ou whatever, puis ouais, tu pognes un beef avec quelqu'un, mais tu sais... Ben, tu sais, Zeph est tout le temps là. C'est ça, ça aide pas. Jonathan Simard, là, ceux-là là, qui se pognent avec lui, calmez-vous parce que le gars, ouais, il est sweet. C'est plus grand troll. Il niaise, là, il est pas méchant, ce gars-là. T'sais. Mais c'est ça, on fait pas la police ni rien. Puis CCJVQ, c'est bien correct, c'est ouais, très concentré comme truc. Nous autres, c'est un petit peu plus frivole. Ouais. Puis ça prend des deux, tu peux être sur les deux, puis c'est merveilleux. C'est fantastique. Je voulais juste dire au monde que maintenant, on a une identité, puis venez. Fantastique. Et c'est tout. Bravo. Quoi d'autre? Nick, attends, parlons dans ton micro deux secondes. On me dit qu'on t'entendait pas. Est-ce que vous avez entendu? Parce qu'ils parlaient pas. C'est ça, ils m'ont dit « Ah, JF, ton micro marche pas, puis Nick non plus. » On n'a pas dit un mot depuis le podcast, les autres, là, ça crache. J'étais silencieux, j'écoutais ça. On va voir, ils vont me donner un feedback, fait que vous pouvez continuer. Là. Ouais. Wow. Le gars, il faisait des simaillés, là, tu sais, depuis tantôt. Il a fait... Eh oui. Ben, mon nom verbal, mon nom verbal parlait, tu sais, j'hochais la tête. Ouais. C'est sûr qu'en podcast, ça sent moins bien. Arrête, ça doit être réglé. Ah, yeah, all right. Hey, fait que cette semaine, Pierre Lapointe est de retour pour un autre poème Patreon. Puis, moi, on dit que j'aime ça, cette expression-là, le poème Patreon. Les PPP. Ouais, c'est tellement Patreon de Pierre. Le poème Patreon de Pierre. Vas-y, Bruno, la caméra est sur toi. Fantastique. Fait que cette semaine, notre plus... En fait, pour les deux dernières semaines, le plus grand honneur est Vincent Laniel. Hey, je le salue. Ouais, hein? Savais-tu ouais. qu'il va me vendre Sukiyo Goruntai, un shmup au Saturn? Non. À très bon prix, que je cherchais depuis longtemps. Il est vraiment dadon, Vincent. Vincent... Pour les amateurs de jeux rétro là, dans la communauté, là, connaissez oui. Vincent, le king de Saint-Eustache, Daniel. Le king de Saint-Eustache. C'est un gars très dadon. All right, vas-y. Fait que... Vas-y, Pierre. Vincent Laniel, un homme à saveur de miel, un chevalier du rétro qui porte parfois des t-shirts de Bruno. Oh, Vincent, les amers gamers ne t'auraient jamais traité de piment. Puis à part ça, saurais-tu où ils sont partis? Internet a perdu ses imbéciles finis. Mon cher Vincent, tu es grandiose, mais surtout grand. Dans notre vallée enchantée, tu es le géant gentil, toujours ben fonné. Ton support pour nos projets loufoques est digne de mention, cher prince de l'analogue, la console la plus haute. Papa Cassette ne pourra plus te vendre de jeux. Mais Vincent, t'as tout. Je me demanderais bien que si tu veux. Merci bravo, Pierre. Pierre. Merci, Pierre. Tu peux retourner dans le garde-robe. Et voilà, c'est fait. Vincent, chez nous, les artistes. Merci. Merci, Vincent. Cheers. Ouais, merci. Merci à tous les autres patrons aussi qui nous donnent oui. chaque semaine. Là. Oui. Absolument. Vraiment, votre support ouais. est incroyable, puis merci à tout le monde. Juste spécifier aussi que le poème de Pierre Lapointe est donné au plus grand donateur entre les deux podcasts. C'est exact. Pas le plus grand donateur général, c'est vraiment entre les deux podcasts. Non, c'est ça. Fait que là, tu sais, c'est comme si ça retombe à zéro. Fait que le plus grand donateur des deux prochaines semaines va se mériter un poème de Pierre. S'il y en a un qui donne une pièce, l'autre qui donne deux pièces, c'est celui à deux pièces qui vient. C'est celui à deux voilà. pièces. Exact. Exact. Fait que, écoute. Parce qu'on pourra jamais matcher celui qui nous donne 500$ par mois. Non. Ah non, lui, c'est que le grand duc. On n'aimera jamais son nom. Non, c'est ça. Trop peur qu'il nous retrouve. Il y a comme un malaise, là. C'est pas vrai. Ouais, c'est important de spécifier. Il n'existe pas, le grand duc. Ouais, le grand duc à 500$. Ça, c'est ce que vous dites. Ouais, c'est ça. On s'excuse, grand duc. Mais... ah, désolé. Pas, mais vous autres, vous êtes venus en char. Moi, je m'attendrais à avoir des pneus pétés. Ouais, exact. Ouais, mais ils citent dans Schlaga les pneus sont pétés. Anyway, là. C'est juste les pneus, on est chanceux, en plus. Ouais, ça pourrait être ta scène aussi. Moi, je m'en allais dire bien naïvement. Tu pourrais faire piquer ta radio de char, même. Non, non. Un niveau de plus pour faire ma cassette tout le temps. Bon, ESRB adulte, ce show. Pourquoi tous les podcasts dans lesquels je participe parlent de pétage de scène? Avoue que ça le fait comme expression. C'est moi qui essaye ça, je sais pas. J'ai comme un aura de pétage de scène, je sais pas. On est sujet. Ça on parle de ces critiques. Ouais, là, oui. C'est ça, les gars, on a essayé des beaux jeux, il me semble. Oh, ouais, on devrait. Ok. C'est moi qui commence. Ouais, c'est toi. Ouais, ouais. Ok, ok. Fait que là, le jeu que je parle, il n'y a pas de pétage de scène là-dedans. Pas en non. Non, du tout, du tout. J'ai ressorti Batman au NES. Oh, t'as bien fait. Ah, ouais. Batman de The Video Game. Ouais. Le premier, là, fait par Sunsoft. Vrai. Fait basé. En fait. Pas du tout, mais sur le premier film de Batman. Parce que ce jeu-là, il n'y a absolument rien à voir avec le film. À ouais. part, genre, les cutscenes entre les deux. Mm. Même encore, là. T'sais. Ça se peut-tu que c'était un autre jeu avant ça? Ben, je sais pas. Tu sais, parce que ça arrive souvent sur NES. Sunsoft, ils ont fait ça pour Terminator, en fait, qui est devenu... Journey to Sirius. Ouais, ouais. Mais, ben, sais-tu, je pense pas. Mais je pense qu'eux autres, ils ont comme... Ils ont pas pensé au film ou whatever. Ouais. On va faire un jeu comme ça, là, avec des petits robots. Tu sais, fait que c'est devenu Batman. Batman, ils se battent pas contre des robots. Juste pour spécifier, là, moi, j'ai déjà fait un jeu sur un film. Puis des fois, t'as juste pas... Le scénario à l'avance. Fait qu'ils disent, hey, y a un film qui sort, ça, c'est la date, ça va être écœurant, man. Le fin jeu. Tu dis, comme, ouais, ok. Puis là, t'essaies de t'inspirer. Fait que ça se peut que ce soit ça. Enfin, ils ont reçu des images, puis ils ont mis en cutscene. Ouais, c'est ça. Fait que c'est très, très possible. Puis en plus, Sunsoft était au Japon, j'imagine. Là. Fait que t'imagines envoyer ça à l'époque en 80. Dis quoi, ils se battent pas contre des robots? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein? Ça va tomber être mauvais. Ils parlent juste à des robots, c'est ça. Ah, eh ouais, c'est ça. Will there be a robot? Roboteur! Roboteur! Gundam! Ouais! Gundam! Fait que pour ceux qui n'ont jamais joué à ça, Batman, c'est comme un platformer, dans le fond, que tu te bats à point nu. T'as aussi le choix d'utiliser ce que j'appellerais un batarang. Ouais. Des batarangs. C'est fantastique. Et puis un genre de petit fusil à petite fusée. Mm. C'est très mignon. Et puis, des genres de shuriken qui split en trois. Donc, quand tu tues des ennemis, tu ramasses des armes spéciales comme ça, ou des points, ou de la life. T'en as pas tout le temps. Non. Mais étrangement, les points restent quand même très puissants comme armes. Sinon, les shuriken aussi, mais ça te consomme trois points d'armes. Ouais, c'est ça. C'est l'arme de choix, les points là-dedans. Ben, disons que tu veux pas dépenser les autres, tu sais. Donc... ces maudites machines qui font comme dans Megaman. Ça va plus vite dès que t'es à hauteur. Là. Ah, on s'habitue, sérieux. Ouais. Mais l'environnement est magnifique. Écoute, c'est super beau. Il y a beaucoup. C'est très, bien sûr, encore une fois. C'est gothique. C'est gothique industriel. T'sais. Ouais. Et puis, les animations sont incroyables. T'sais, quand tu meurs, là, la genre d'explosion en forme de Batman, c'est très, très beau. Quand les ennemis meurent aussi. Aussi, Batman, bon, il avance et il saute, mais il peut coller sur les murs, mais pas indéfiniment. Comme quand tu colles, il fait juste comme gripper un peu sur le mur. Il glisse un petit peu. Rien. Non, il glisse même pas. Okay. Il monte pas. Il colle. Il faut que tu ressortes de l'autre bord. Comme un triangle jump à Rygar, sauf vraiment bien animé puis bien, bien fait. Nice. Puis il y a beaucoup, beaucoup de sections dans le jeu qui requièrent que tu sois bon à faire ça. OK. Fait qu'ils ont beaucoup joué avec ça. La musique est complètement malade. De Batman, c'est un meilleur soundtrack à Sunsoft. C'est vraiment bon. Regardez Batman courir, là. Tu sais, juste quand il court, la cape, quand il arrête, la cape, elle, elle finit de voler tranquillement, puis elle vient se coller par terre. C'est cœur, hein? Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de frames d'animation. Puis tu sais, pourtant, le personnage est quand même assez petit pour l'écran, tu sais. Exact. Fait que y a beaucoup de détails. Choses qui ont changé avec Return of the Joker. Ah oui, il a pris le double. Sprite, c'est ça. Non, ça, c'est vraiment très différent. Et puis, bon, les niveaux de gauche à droite, de haut en bas... des fois, tu drops aussi. Tu sais, ils te font te promener un petit peu comme ça. Ça, c'est bien. Oui. Je trouve que les niveaux se ressemblent tous quand même beaucoup. Au début, tu es dans la ville. Après ça, tu rentres dans une genre de usine. Oui. Et puis après ça, tu es dans un genre de souterrain. Puis à la fin, tu es dans la tour pour monter jusqu'en haut, Joker. Mais tout est pas mal pareil. Là, mais moi, en fait, j'ai remarqué ça quand j'ai rejoué. Je trouve que c'est la palette de couleurs le problème. J'ai l'impression que le design des niveaux, ils ont quand même fait quelques trucs différents, mais ils restent tout le temps avec la même palette de couleurs tout le long. Mais moi, je regardais ça, puis de mon souvenir, tu sais, t'as du mauve, puis il y a souvent du vert aussi dans le background, puis je trouve que c'est une belle opposition au niveau de... Ton personnage est assez clair à l'écran. Ouais, ça, le personnage, il ressort toujours. Oui. Mais peut-être c'est moins esthétique, là, mais... Il n'y a aucun autre bleu dans le jeu que Batman. Non, c'est ça. En fait, ça, c'est une bonne idée. J'avais pas remarqué ça. Vraiment. As-tu vu c'est qui fait des jeux et c'est qui en fait pas? C'est qui en fait? Non, mais en fait, c'est qui fait des commentaires graphiques qui aucunement qualifié. C'est moi. Hey, c'est bleu puis j'aime ça. Mais en plus. Puis un peu partout à travers le jeu, c'est ça, il te demande d'être bon en platforming. Il y a des genres de... pas des pics, là, mais des genres d'engrenages rotatifs. Là. Ouais. Ils sont super beaux, d'ailleurs. Et puis, au-dessus des murs, fait qu'il faut que tu planifies où est-ce que tu vas sauter ou pas, où est-ce que les ennemis arrivent. Comme là, tu vois, faut pas que tu sautes de même comme un cave, comme il vient de faire. Là. Faut que tu colles sur le côté. T'sais. Faut que tu réfléchisses un petit peu. Et puis, donc, c'est un jeu très difficile. Très, très difficile. Ouais, vraiment. Et puis... Y a-tu des continues? Je me souviens pas. Il y en a illimité. OK, ah bon, monsieur. L'avantage aussi de ce jeu-là, qui est difficile, c'est que le niveau, il est séparé en, mettons, trois sections. OK. Donc, si tu meurs, tu recommences autant au début de la section dans laquelle tu es rendu. OK. Donc, c'est pas genre, t'as trois vies pour faire tout le niveau. Si tu meurs, tu recommences au début de la première section. T'sais. Tu dis, ah yes, je suis rendu à la deuxième section. Je suis locké dans cette section-là jusqu'à ce que je passe à la prochaine. Ah, c'est ça. Fait que tu finis un moment donné à force de gosser. Par y arriver, tu sais. Donc, ça, c'est encourageant parce que tu vas avoir besoin d'encouragement. Ouais. Mais, hein, Colin, c'est bien trop tough. Les boss sont corrects, mais comme je disais, il n'y a rien à voir avec le film, tu sais, à part que tu te bats contre le Joker. Ben, j'ai vu que Firefly était là tantôt, c'est un des personnages des comic books. Fait que, ah, oui, pour vous? Oui. Ah, ok. Là, fait que c'est ça, je me suis. En fait, j'ai pas porté attention quand j'ai joué, mais c'est peut-être ça aussi. Ils ont peut-être pris certains personnages du comic book. Sinon, le boss, il y a un autre boss après ça. C'est une espèce de... Ah ouais, c'est un genre de gars qui... un gars qui punch vite, là. Pis, okay. Des fois, c'est des machines, tu sais. Comme t'as plusieurs mécanismes à briser, puis c'est ça le boss. Mm. Ou des cubes qui vont vite dans l'écran. Donc ça, c'est un peu weird. Mais ouais, peut-être que je ne connais pas assez un comic book de Batman, mais c'est clair que ces affaires-là sont pas dans le film. T'sais, c'est pas, ça n'a aucun fucking rapport. Là, mais à la fin, tu bats-tu le Joker? Ouais, le dernier boss, c'est le Joker. Ok, c'est au moins ça. Ouais. Puis c'est ça, j'ai réussi à le passer. En fait, pourquoi je voulais jouer à ça? C'est parce que Éric Bonenfant a publié sur la page justement Facebook qu'il l'avait fini. Là, moi, j'avais fini ça avec un Game Genie dans le temps. J'avais pas le choix. Ouais. Là, fait que je recommençais toujours au Joker, toujours, jusqu'à ce que je le batte. Puis là, il fallait que je recommence le niveau jusqu'au Joker pour le battre. Carine. Puis je l'ai fait, tu sais, à bras, puis j'y suis arrivé, puis j'étais vraiment satisfait. Mais oui. Et puis, à la fin, spoiler alert, le Joker, Batman, il tue, esti. Mais oui. Il pogne, il dit, je sais que c'est toi qui as tué mes parents, puis il tire en bas. Fait en bas. That's it. Il fait fi de la loi non écrite de Batman. Ouais. Exact. Ouais, mais dans le film, il tue. Ben, il tue pas. Avec son gun, comme il tire, puis ça y attache la jambe autour d'une statue. Mais puis là, finalement, il tombe. Il est entre l'hélicoptère et la statue, puis finalement, il tombe. Il tue pas, tu sais, comme officiellement. Ouais, c'est pas vraiment, tu sais. Il a juste incapacité de la c'est défaire. Ça. C'est et ça. Ensuite de ça, il y a des choses malencontreuses qui sont arrivées. Exact. Eh non. C'est parce qu'il y a des articles là-dessus depuis le nouveau Batman qui est sorti sur les consoles. à quel point Batman il tue du monde, puis ouais. qu'il est temps que ça arrête là, qu'on dise que Batman il tue pas du monde, il en tue en maudit là. Ouais, dans les jeux peut-être là, mais je pense que Batman ne tue jamais personne dans les comic book, il en tue pas. Ouais. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, crime. Ça serait tellement plus facile. Ouais, ça serait facile. C'est clair parce qu'ils reviennent tout le temps. Ouais, il comprend pas. Non. C'est comme Christy. La violence, les gars, c'est pas une solution. Hein. Non. Mais t'imagines si il aurait remplacé Robin par un gars qui tue. Tu disais, hey, lui, je t'ai carré. Tu dis ça au gars qui allait te péter à la scène, la violence. Ouais, c'est ça. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais, c'est ça. Aime ton prochain, c'est ça le va faire. Fait que pour en revenir à Batman. Tous les jeux de Batman au NES sont bons. Celui-là, Return of the Joker, et puis Batman Returns au NES, ouais. ça existe en passant, puis c'est très bon aussi. Péter des clowns. Et puis celui-là est un jeu que vous pourrez trouver encore entre 10 et 15 $ en copie physique. Quand même. Il est vraiment très bon, puis qui vaut vraiment, vraiment la peine. Il vaut-tu cher? Entre 10 et 15 $ Ok, mais ça vaut entre 10 et 15 $ Ouais, ouais. Okay. Ben, tu l'achètes à ce prix-là. Okay. C'est sûr que ça vaut. Oh, achète-les pas à 25$. Comme c'est donc pas cher. Mais il est encore abordable parce qu'il doit en avoir eu beaucoup d'imprimés. Ouais. Tu sais, c'est Batman. Je me demande si la version Game Boy est pareille. Parce qu'il y a une version Game Boy. Je l'ai presque fini, la version original. Game Boy. Puis non, ils n'ont pas la force. C'est la, autre chose. Game Boy n'a pas la force de faire pareil. Puis Batman, il tire du gun constamment dans Game Boy. Mais il okay. tire des genres de batarang ouais. avec son gun. C'est vraiment weird. Fait que mais dans le fond, c'est un, bon c'est jeu, un gangsta c'est un bon sur, petit jeu, sur par Game exemple, Boy. Mais c'est totalement pas la même chose sur Game Boy. OK. Fait que moi, je recommande ça à tout le monde. Donne un beau 4, hein, GF, à ce jeu-là. Wow. Exactement. Exactement. Hein, GF? C'est un beau petit must, là, pour votre NES, et puis c'est pas cher. Découragez-vous pas, tu sais, comme prenez votre courage à deux mains, puis jouez-le, la musique va vous garder dedans. Et puis c'est vraiment bien fait, c'est comme totalement ridicule. Ce qui se passe là-dedans pour l'univers de Batman. Mais les cutscenes sont quand même jolies. Ben ouais, donc, moi, je recommande ça totalement. Excellent jeu. Sans Game Genie. Sans Game Genie, si vous êtes des hommes. Ouais. Et des femmes. Ça, séparer les hommes et les enfants. Tu pourrais reploguer ta critique de Sunsoft, que tu avais fait les musiques c'est de Sunsoft. Vrai, ça. Dans les allez dans nos archives vidéo. Ouais. J'ai fait une petite chronique Sunsoft. Tapez Sunsoft dans la recherche sur retournouveau.ca, vous allez trouver tout de suite. Vous allez tomber direct dessus. Donc, la musique de Sunsoft, j'en parle un peu. Puis, si vous avez plus ample question, demandez à Michael LaRouche de Conservatoire Rétro. Il vous dira tout le reste sur l'univers musical de Sunsoft. Ce gars-là a inventé la musique. Il connaît la musique en temps. All right. Fait que là, par la suite, il me semble, c'est ça. Ça se peut-tu ça sur ma critique? Je m'en souviens, mais. Ouais, c'est toi. Oui, Bruno, c'est toi. OK. Je vais faire en fait une critique conjointe avec Nicolas puisqu'on y a joué tous les deux. Yeah. On fait la critique de Super Mario Maker sur Wii U, un jeu que tout le monde attendait impatiemment puis que tout le monde se disait ça va être plate ça. Est-ce que Nick, je vais mettre la caméra. Mais non, vraiment Super Mario Maker en fait c'est le nouveau jeu de Nintendo qui consiste à non seulement créer des niveaux de Super Mario mais aussi jouer aux niveaux qui ont été faits par d'autres personnes. Ça, on l'a vu sur Internet. Oui, hein? Ouais, on l'a vu sur Internet. Ouais, j'ai fait mon niveau! J'ai fait des niveaux partout! Mais c'est ça, en fait. Quand tu commences à Super Mario Maker, t'as presque rien. Tu commences juste avec l'univers de Super Mario Bros. 1. Puis, c'est ça, tu commences, bon, on te donne un univers de jour, en fait, dehors, l'overworld. Puis, on te donne l'univers à l'intérieur, genre souterrain. Le underworld, si on pourrait dire, ouais. Souterrain. Puis c'est ça, on te donne quelques items. Puis ces quelques items-là, bon, tu vas apprendre un peu à jouer avec, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on peut les placer, tout ça. Tu vas t'apercevoir rapidement que toi, dans ta cave, quand t'étais petit, tu disais comme, c'est facile ça, faire des jeux vidéo. Puis là, tu vas te rendre compte que Christy, c'est difficile de faire un bon niveau. Ça prend beaucoup de talent, beaucoup de temps. Puis ce que tu vas faire, c'est que tu vas placer les pièces avec ton stylet sur ton gamepad. Puis, en plaçant les pièces, tu peux aussi tout de suite essayer ton niveau. Puis, vraiment, là, ça se fait comme en une fraction de seconde, tu décides de l'essayer. Tu l'essayes, tu meurs à telle place, tu recommences à l'endroit où tu as manqué ton coup, puis tu réajustes tes affaires. Ce qui arrive, en fait, pour débarrer le stock, pour créer les niveaux, c'est que ça se débarre, en fait, en 9 jours. En 9 jours, il y a du contenu nouveau qui sort à tous les jours. Tu commences avec une petite partie de contenu avec Super Mario Bros. Ouais. 1, puis tu as quelques éléments, puis tu vas falloir que tu... en fait, il faut que tu fasses de la création avec ça pendant au moins 5 minutes pour pouvoir, après ça, débarrer le reste. Mais quand tu débarres le reste, ça se fait juste à tous les jours. Tu peux pas, genre, dire... je vais faire une session aujourd'hui où je vais jouer pendant 10 heures puis je vais tout débarrer. Ouais. Ben, tu sais, il y a quand même... Il y a des petits comics sur l'Internet là, qui ont trouvé que si tu changeais la date de ton système Wii U, tu étais capable de débarrer. Ce que moi, je trouve fondamentalement plate. Il y a une raison pourquoi ça se débarre juste un petit peu à la fois. C'est, comme Bruno a mentionné, c'est assez difficile de faire des niveaux. Puis au début, tu as besoin de commencer avec la base. T'sais, si tu débarres tout de suite, là, c'est l'équivalent de t'acheter un vélo de route à 6000$ pour commencer quand tu es un enfant. T'sais. Tu vas te péter ailleurs puis tu vas pas aimer ça. T'sais. Fait qu'avec les pièces au début qu'ils te donnent, tu sais, c'est juste assez pour faire un petit niveau. Là, tu dis, oh, c'est cool, là, tu commences à essayer. Progressivement, ils débarrent du stock. Oui. C'est vraiment, vraiment le fun. Moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est l'approche. Comment ce jeu-là commence. Tu commences, puis ça tout de suite, il met dans l'univers de Mario, Super Mario Bros. Oui, que tu connais si bien. Là, tu joues, là, c'est comme un platformer. Tu dis, ah, c'est nice. Là, à un moment donné, tu viens faire un saut. Puis un tabarnouche de gros trous. Il y a juste, le niveau est pas fini, tu sais. Là, ça dit, hey, le niveau est pas fini. Là, t'es comme. Ils ont une façon, le fun, d'amener le fait que tu vas faire un niveau, finalement. Exact. Il y a comme, là, en plus, tu commences avec un niveau qui a déjà été fait. Là, tu vas faire, tu vas mettre des pièces, tu vas le finir, ce niveau-là. Puis, non, c'est vraiment, c'est surprenant, tu sais. Ils m'ont été me chercher un endroit que je pensais jamais aimer ça. Moi, je pensais pas aimer ça faire des niveaux. Mais c'est ça, c'est que moi, je trouve que pour la création de niveaux, ils ont réussi ou plusieurs réussissent pas. C'est que créer un niveau dans n'importe quel jeu, t'essayes ça dans une tonne de jeux... C'est tellement difficile. Souvent, c'est dans un univers 3D. Il faut vraiment que tu t'investisses énormément. Ouais. Créer un niveau dans Super Mario Maker, là, sérieux, ça peut te prendre 5 minutes comme ça peut te prendre 3 heures. Là. C'est dépendant du temps que tu y mets. Ouais. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il donne aussi le choix de la longueur de ton niveau. Fait que ce que ça fait, en fait, c'est que tu peux créer des niveaux qui sont super longs, qui sont le typique niveau de Super Mario, avec un début et une fin, mais aussi tu peux comme créer une affaire que c'est juste finalement, bon, je mets trois Bowser un par-dessus l'autre, puis il y a un Lakitu en haut qui pitch des champignons sans arrêt, faut que j'arrive à sauter par-dessus, puis il y a un autre Lakitu qui pitch des trampolines, tu sais, pour que je finisse par sauter par-dessus. Fait que tu sais, t'essayes ces affaires-là une après l'autre, puis tu découvres qu'est-ce qu'ils font, parce qu'aussi... Tu peux jouer avec les éléments. Si, admettons, tu as une tortue ou un Koopa, puis que tu mets un champignon dessus, ben il va devenir géant. Ouais. Si tu le brasses, admettons, une tortue avec sa carapace, ben ça va devenir juste une carapace qui va s'en aller. Même affaire pour pour ceux-là qui ont des pics, eux autres. Ça change les éléments. Puis c'est aussi intéressant que avec chaque élément, même les ennemis, tu peux vraiment jouer avec puis trouver des combinaisons, mais tu le découvres par toi-même, en fait. On te donne pas la clé tout de suite. Il n'y a pas vraiment de tutoriel là-dedans, dans un sens. Oui, tu peux avoir accès à un manuel d'instruction qui va t'expliquer, mais de savoir qu'est-ce que chaque chose fait, ça, il te laisse vraiment le découvrir par toi-même puis faire des expériences. Puis j'ai aimé ce côté-là. Je pensais, au début, je me disais comme, ah, c'est plate, t'as pas de tutoriel. Mais non, le côté découverte est le fun parce que justement, tu découvres de quoi. Tu fais comme, aïe, ça fait ça quand on utilise ces deux trucs-là ensemble. C'est le fun, tu sais. Ben oui, c'est ça. L'interface est tellement le fun. Moi, j'ai aimé ça. Tu sais... Tu sens pour un temps Mario Paint. Oui, il y a une inspiration Mario Paint. Il y a les icônes de Mario Paint, le chien, le robot. Bébé, le fait que ça, c'est là. Puis ils ont même ajouté les sons aussi. Dans Mario Paint, tu pouvais ajouter des sons. Ouais. Puis là-dedans, tu peux ajouter des sons vraiment bizarres à tes éléments. C'est incroyable. Tellement drôle. C'est tellement drôle parce que là, mettons, tu te ramasses à tuer un champignon ou une tortue, puis il crie. Oh! Ouais, puis tu comme si. Puis là, il y a du monde qui en abuse dans les niveaux qu'ils font. Là, tu sais que c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Moi, c'est. Non, puis aussi, tu peux enregistrer ta voix aussi, puis dire quelque chose dans un niveau. OK. Fait que là, comme moi, à toutes les fois qu'il y avait un champignon, je faisais comme une espèce de gros pet où je disais comme « niaiseux ». Puis à toutes les fois que tu prends un champignon, ça fait « niaiseux, niaiseux », tu sais. Puis à un moment donné, il y avait un Lakitu qui pitchait des boules, puis ça faisait comme « tata, tata, tata, tata ». Puis tu peux l'enregistrer, sauf que l'affaire, c'est que quand tu le mets en ligne, ton son, il passera pas. C'est ça, pas. Parce que j'ai joué ton niveau de Lakitu. Ouais. J'ai pas entendu ta Non, tu l'as pas. Ben, j'aurais câliné ma manette à terre, je te rappelle. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mais non, c'est ça qui est intéressant. T'sais, l'interface, c'est le fun. Si vous avez déjà joué avec Little Big Planet, vous avez des niveaux avec ça. Moi, j'ai Au début, c'était le fun. Oh, la gravité, là, tu mets un skateboard, le gars. Ouais, mais c'est super intéressant rapidement. Super ouais, c'est parce que t'as pas de résultats assez rapides. Ouais, c'est ça. Mais là, ça, en plus, le fait que tu peux essayer tout le temps, puis c'est très, très rapide. Là. Ouais. Tu ressens, puis c'est le fun. Puis une des affaires vraiment là, gagnant que Nintendo a fait, là, je trouve, mm-hmm. c'est qu'avant d'envoyer ton niveau en ligne, t'es obligé de le finir toi-même. Ouais. Fait que, ah, fait, ouais. Tu peux pas juste faire un troll level qui est infaisable. Quelle bonne idée. Tu peux faire un troll level, mais tu dois le finir toi-même. Fait que si t'es pas assez skills, ben, parce que sinon, il y aurait eu un raz-de-marée de ben, n'importe quoi. Totalement. Exact, mais tu dois le finir. Puis quand tu le finis, là, tu peux l'uploader. Si tu le finis, ça veut dire qu'il est possible à finir. Puis à un moment donné, je me suis amusé un peu. Moi, j'ai juste essayé la version à l'époque que c'était la version journaliste, on peut dire. Là. Donc, c'était l'environnement fermé, mais il y avait déjà du beau stock là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai essayé un niveau d'un petit japonais, tu sais. Je le salue pas, d'ailleurs. Comment tu fais pour savoir qu'il était petit? En fait, ben, son icône de vie était petite, puis il était au Japon. Fait que il y avait un petit bonhomme. Petit japonais. Ouais. Il s'appelait LOL94. Je me rappelle pas de son nom, mais j'ai fait son niveau où tu devais courir, puis... Il fallait que tu transformes des sous en bloc avec un pâte, tu sais. Ouais. Il était vraiment dur. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais obsédé à finir ce niveau-là. Je l'ai fini finalement. Puis, tu sais, je regardais, il y a tout le temps un taux de succès, genre, que tu peux avoir de niveau, tu sais. C'était genre 3%. Tu sais. Tout le monde essaie, puis drop ça, tu sais. Une affaire que je voulais dire, c'est que c'est ça, il y a plusieurs environnements. Tu as Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 3, Super Mario World, puis New Super Mario Bros. Wii. Wii U, en fait. 64, non? Non, c'est non, ça. Il n'y a pas 64. Puis il n'y a pas Super Mario Bros. 2. Ça, c'est une chose qui me surprend, par exemple. Ouais, j'ai pas compris, mais il est tellement différent. C'est parce que c'est un rêve. C'est à cause que c'est un rêve. Non? C'est ça. Mais c'est parce que... C'est pas le même jeu. Selon moi, la raison pourquoi ils l'ont pas mis, c'est un vrai jeu de Mario. Tu peux faire ton niveau en Super Mario Bros. NES et te transformer en New Super Mario Bros. Wii, tu peux juste changer. Fait que là, tous tes items vont automatiquement passer. Fait que si t'avais mis deux là-dedans, il y aurait juste dit C'est vrai qu'il fait pas dans le des radis. Ouais, c'est ça. Puis une affaire qui est vraiment le fun, c'est que, tu sais, dans Super Mario Bros. 1, admettons, il y avait pas les niveaux que dans Super Mario Bros. 3, mettons, du bateau où, justement, le château était pas pareil, tu sais. Puis... Quand tu fais ces niveaux-là dans l'univers de Super Mario Bros. 1, tu as de la nouvelle musique, puis tu as des nouveaux items que tu n'avais pas vus parce qu'ils n'existaient pas à ce moment-là. C'est vraiment le fun de jouer avec ça, puis de voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Puis aussi, une affaire qui est intéressante, ben c'est ça, c'est l'intégration de d'autres bonhommes, de d'autres séries, comme justement, tu peux jouer avec un Bowser, avec Peach. Jouer avec Bowser, ça à l'écran, c'est le fameux Il est vraiment beau. Le classique Mario. Il y a une version aussi avec des couleurs modernes, donc bleu, rouge, noir et rose. Mais ça, c'est l'amiibo qui vient avec le kit, si vous l'achetez. Je pense qu'il y a une console spéciale. Mais si vous prenez n'importe quel amiibo, ils s'en viennent avec quelque chose d'intéressant. Dans ce jeu-là, ce qui est le fun, c'est que si tu as un amiibo et tu le tapes et tu fais ton niveau, tu vas avoir accès à ce personnage-là. Donc, par exemple, si tu as Link, tu vas pouvoir mettre Link dans ton niveau. Fait que tu vas avoir un champignon spécial que tu vas pouvoir mettre. Quand Mario le prend, il devient Link. Puis il a des propriétés particulières, tu sais. J'ai essayé, puis ce qui est le fun, c'est qu'ils les ont transformés en... Je l'ai pas ouvert, il est pas ouvert. L'as-tu déjà ouvert? Non, c'est ma copie. Ok, excuse, je l'ouvrirai pas. On peut l'ouvrir, c'est ma copie, mais il est pas ouvert, tu sais. Je veux pas le briser du tout, je l'ouvre pas du tout. Fait que ce qui est le fun, là, il y avait Shulk aussi de Xenoblade Chronicles, la Wii Fit Trainer, n'importe qui. Il y a un niveau, d'ailleurs, c'est sûr qu'il y en a un qui va s'amuser, un gars qui a la collection d'Amiibo à faire un niveau, tu fais te transformer. Puis c'est assez hot parce qu'ils ont des moves différents, des affaires spéciales à faire, et qu'ils ont fait une version digitale dans toutes les Mario, dans le fond. Ouais. Fait, ça, c'est intéressant. T'sais, tu vas avoir un Shulk en Mario 8-bit, mais en 8-bit, c'est-à-dire. Ah, c'est hot, ça. Ça, c'est vraiment le fun. T'sais, c'est une petite touche intéressante. Puis ils sont le fun, les Amiibo. Puis moi, particulièrement, mon champignon préféré, je sais pas si tu l'as vu, le champignon long. Oui, net, oui, le grand dadais de Mario. Il est fantastique, écoute, il se promène. J'en parle avec passion. Écoute, c'est une abomination, cette affaire-là. Tu sais. C'est épouvantable. Imaginez la si face. C'était un ado, là, en fait. C'est ça, là, exact. C'est comme si t'as les propriétés de Luigi qui sautent plus haut avec un corps vraiment de Waluigi, mais dans les couleurs de Mario classique avec la petite tête du petit Mario, OK? Ah, c'est puissant. C'est tellement drôle, là. Il marche avec les épaules de même. Il est dégueulasse. Ouais, c'est vraiment c'est tellement drôle. C'est satisfaisant de jouer avec lui, tu sais. Puis il saute bizarre, puis honnêtement, là, c'est un petit champignon mince en plus. Là. Ouais, il est vraiment laid, le champignon. Je disais juste. Ben, d'un niveau au début, quand ils t'introduisent au jeu, ils mettent dedans. C'est ça, là. Mais tu sais. C'est tellement drôle quand ça arrive. Oh, c'est, moi, là, sérieusement, là, juste cette affaire-là, là, j'ai ri, là, tu sais. J'avais plus de rire, là. Puis je me tanne pas, tu sais. Je le vois à l'écran, puis je voudrais juste le voir marcher. Ah, il est trop drôle. Moi, je veux qu'il ait son jeu, en c'est fait. C'est clair, là, tu sais. Il est vraiment ça, drôle. Ça, c'est vraiment. Tu sais, j'aime le sens de l'humour qu'ils ont mis là-dedans. Ouais. Il y a plein d'affaires drôles, comme justement, tu sais, tu peux faire shooter des canons, de juste des coupas, tu vas faire shooter des scènes un peu partout dans le niveau, tu sais. Ah, c'est écœurant. Ça, c'est un bel aspect. Les affaires que je veux mentionner rapidement, parce qu'on n'a pas parlé, il y a un mode, c'est ça, c'est pas juste fait pour le monde qui veut créer des niveaux, en fait. Même si toi, tu veux pas en tout créer de niveau, tu vas trouver énormément de fun là-dedans, parce qu'il y a tellement de monde déjà qui a créé des niveaux, puis il y a du monde qui sont même des superstars des niveaux, là. T'sais, entre autres, il y a Pro Jared qui a fait des super bons niveaux, tu sais. Puis c'est ça, en fait, tu peux essayer les niveaux du monde, puis t'es pas obligé nécessairement de les télécharger sur ta console. Tu peux peser sur Play, puis jouer immédiatement. Il y a même pas de temps de chargement. Il y a aussi un mode 10 Mario. Ça, c'est un mode, en fait, t'as 10 Mario pour faire en fait 8 niveaux différents qui sont faits un à la suite de l'autre. Puis c'est des niveaux qui ont été faits par Nintendo. Tu peux faire ce mode-là, je pense qu'il y a au-dessus d'une 60aine de niveaux qui ont été faits par Nintendo. Puis après ça, si tu vas en ligne, il y a aussi un mode sans Mario. Puis c'est sans, c'est pas sans niveau, mais en fait, c'est plusieurs niveaux. Là, quand tu dis 100, c'est 1-0-0. C'est ça, exact. C'est ça qu'il faut savoir. Oui. C'est pas qu'il n'y a pas Mario dans le niveau. Oui, c'est ça, c'est pas sans Mario. Sans Mario. Oui, c'est ça, une centaine de Mario. Puis, en fait, tu fais les meilleurs niveaux, en fait. C'est des niveaux qui ont été choisis par Nintendo, mais c'est des niveaux qui ont été créés par les utilisateurs. Puis, tu fais tes niveaux un après l'autre, puis quand ça t'intéresse pas, ben tu peux juste comme swiper puis passer à un autre niveau. Ouais. Fait que c'est ça, c'est assez intéressant quand même. Tu as la liste des créateurs aussi. Ouais, moi, pis je trouve que le jeu-là, il y a un décompte. C'est comme un... On salue les level designers. Oui. Parce que tu sais, les level designers, souvent, c'est les gens qui sont... un peu plus dans l'ombre que les game designers ou les gens qui vont faire les graphismes, les dessins, etc. Pourtant, c'est des gens qui sont super importants. Mais parce oui. qu'un mauvais design sur un level, là, c'est ça. Suite, là. Non, raison, un level designer, c'est une grosse job difficile. Ouais. Ouais, puis ça raison, paraît, Benoît, les superstars, c'est souvent tu vois, les producers ou les game designers. Ouais. Mais dans le fond, le level designer, il est super important. Ouais. Il a comme autant que tout le monde. Mais lui... tu peux avoir un super bon jeu de plateforme où ton bonhomme, les contrôles sont tête. Si le niveau est poche, ça ne pognera pas cette affaire. Non, fait exact. Que, en effet, je pense que c'est un bel hommage. Là. Ouais, c'est mais, une belle façon de le faire. Ouais. Mais c'est ça. Ça va, si... ça va faire en sorte que des gens vont s'intéresser à ça. Oui. C'est vrai, ça. Ouais. Oh, oui, puis partir de la base. Puis il n'y a pas meilleure compagnie que Nintendo non. pour rendre hommage à Nintendo. T'sais, sérieusement, ils réussissent très bien à jouer avec leur superstar finalement. Puis, et faire des niaiseries avec. Ouais, Mario, tu sais, ils ont pas peur de genre... Ah non, il est ridiculisé assez souvent là-dedans, tu sais. Mario pis, chat, on peut penser à... Oui. Tanuki, tu sais, comme... Puis là, encore une fois, là, l'espèce de grand dadais, là, tu sais. Ah oui. Mais c'est ça, finalement, moi, mon seul problème avec le jeu comme c'est là, c'est que j'aurais vraiment aimé ça qu'il y ait du multijoueur. J'ai pas compris qu'il n'y ait pas l'implantation d'un multijoueur. Au moins, de pouvoir jouer à deux. Ouais. Parce que ça aurait été, comme quand on à mon petit, sens, facile. J'attends que tu aies fini de te planter, ben, puis après, c'est à mon tour. Il n'y aurait pas avoir ça ou pas nécessairement. Tu sais, comme dans New Super Mario Bros., tu peux jouer à en quatre, tu sais. Puis c'est fantastique. Tu peux jouer à co-op ou un contre l'autre, puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment hardcore. Là, y je me vois mal jouer en co-op à ça. Il y en a des hardcore, mais il y en a des faciles aussi. Là. Moi, peut-être juste rapidement, tu savais déjà joué à Super Mario Bros. Flash, un vieux jeu, là, genre. Et Colin, que quelqu'un avait fait où tu pouvais prendre toutes sortes de personnages. Tu pouvais jouer avec Link, les gars de Simon de Castlevania. Il y a de contrat. Il y a un petit peu de ça là-dedans. Fait que je sais pas si les gars de Nintendo ont joué à ça, mais ce plaisir-là de jouer avec des personnages farfelus, tu vas pas leur retrouver si les gens ont fait un niveau avec un amiibo. Mais l'autre affaire que j'ai. Un parallèle que j'ai trouvé, étant donné qu'on change constamment d'ambiance entre Super Mario Bros. Super Mario World, ensuite Mario Bros. Wii U. Ouais, en passant, ça se fait en un flash. Exact, hein, tu peux le changer en temps réel. Wow. Mais même quand tu fais les niveaux, tu sais, quand tu fais le challenge des 10 ou le challenge des 100, tu vas changer d'ambiance. Fait, puis les niveaux sont super différents. Fait, ça a quand même une impression de... Si vous avez aimé les WarioWare, où tu tannes pas ouais, parce que c'est tous vrai. Les nouveaux, à un moment donné, il y a un niveau qui est comme un shmup vertical. Il y en a un niveau que j'ai joué qui c'était ça. Le gars, c'était un shmup dans l'espèce de grosse. Le gros clown qui vole, tu sais, puis là, il tirait des boules de feu. Ah ouais. Fait que c'est fait un shmup avec ça, puis le niveau d'après, c'est genre, va super vite sans arrêter de courir. Ouais. Dans un, là, c'est un, mettons, un classique, puis là, après, c'est tout en, en Super Mario World. Ça change tellement d'ambiance que tu te tannes pas. T'en veux juste plus, tu sais. Puis les challenges des 100 Mario, dans le fond, t'as 10 niveaux pour le faire. Mais même à ça, tu t'en vas en ligne, tu essaies des affaires, puis tu peux découvrir du monde comme si t'aimes leur style. À un moment donné, t'as de la musique disco, tu peux mettre de la musique, faire complètement fou. Il y a des effets là, où l'écran des maisons hantées devient comme blur. Là. C'est vraiment poussé. Là. C'est comme un Mario plus de votre souvenir. Là. Puis ça, là, c'est ce que je pense qui est le plus intéressant de juste... Ça a maintenu mon intérêt. Puis d'essayer, là, il va y avoir du contenu infini. Là, ce jeu-là, un replay value. Ouais, là, ben oui, vraiment. Là. Aussi un mot pour les parents. Moi, mes deux enfants adorent. Puis mon gars a 4 ans. Puis il est capable de designer des niveaux et tout ça. Puis il aime justement découvrir qu'est-ce qu'il peut faire avec toutes les avec toutes les assets finalement. Fait que, tu sais, c'est vraiment aussi intéressant pour un adulte que pour un enfant. Je pense que ce jeu-là, il est vraiment fait pour n'importe qui aime les jeux vidéo. Puis on redécouvre Mario, mais c'est vraiment le fun d'essayer quelque chose qui te surprend à toutes les fois. Tu sais, je trouve que les platformers 2D, on arrive à un moment présentement où on est un peu saturé des platformers 2D parce qu'il y en a, il y a une surabondance de platformers 2D. Puis celui-là, il vient de donner, il vient, oui, mais ben moi aussi j'aime beaucoup ça, sauf que ça a pris le dessus sur tout ce qui existe dans l'industrie. T'sais, on est vraiment rendu dans un monde de platformers 2D. Puis ça, je trouve que ben, ça amène un jeu souffle de nouveau. Un passage de niveau, tu sais. On n'a jamais eu ça. Non, Little Big Planet. Ouais. Mais à part ça. Mais aussi un jeu où on peut jouer avec les règles. C'est une option dans un jeu plutôt qu'un exact. Jeu. Little Big Planet, tu sais, l'expérience semble pas. Au niveau de l'ergonomie, là, moi, j'ai jamais trouvé ça vraiment. Non, c'est pas évident. Tu sais, le fait d'avoir l'écran dans manette, là, puis d'y aller avec le stylet. Ouais, le gamepad est indispensable pour ça. Tu vois que c'est un jeu qui est. C'est un bon fit. Là, ça a été créé pour ça. Tu pourrais pas avoir ça à GameCube, là, parce que ça aurait été terrible. Là, mais avec le stylet, là, c'est parfait pour ça. Fait que c'est ça, finalement. Moi, je lui donne la note de 4.5 sur 5. Sérieusement, c'est. Faut absolument que vous achetiez ça si vous avez une Wii U, puis c'est un indispensable. C'était écœurant, un des meilleurs jeux de l'année. T'es écœurant. Puis toi, mon Ben? Ouais, ben moi, je poursuis dans ma lignée des jeux slow gaming et je vous ai amené aujourd'hui Populoose pour la SNES. Populoose! Frère de Pamplemousse. Ouais, Pamplemousse! Donc, ça a été fait par Electronic Arts et Bullfrog. Oh! Distribué par Acclaim, je me souviens. Et Bullfrog, je sais pas si vous vous souvenez de cette compagnie-là. Ils ont fait quoi d'autre? Ils ont fait pas mal dans les jeux de simulation, mais tu sais, ils ont fait des jeux genre... c'est quoi le jeu là? Tu contrôlais une espèce de donjon là, dans lequel tu avais des démons, puis c'était toi qui lançais Dungeon Keeper. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Donc, c'est eux autres qui avaient cette licence là au départ. Il y avait aussi des jeux un peu champ gauche, là, style, je me souviens, il y avait Sim Hospital, quelque chose comme ça. Là. Okay. C'était vraiment des jeux assez particuliers, souvent de simulation. Donc, c'est un jeu de Peter Molyneux. Oh. Et bon, vous allez voir dans le gameplay là, rapidement. Là, honnêtement, là, si vous aimez pas ce genre de jeu-là, là, touchez même pas à ça parce que vous allez vouloir mourir. Puis, c'est puis là, vous allez voir l'interface. Là. Donc, l'objectif du jeu, là, c'est que vous contrôlez une population et vous confrontez une autre population et vous devez donc la conquérir en aidant votre population à grossir. Donc, pour aider votre population à grossir, grosso modo, ce qui se passe, c'est que vous devez jouer avec le terrain pour faire en sorte que leur bâtiment grossisse. Donc, on peut voir d'ailleurs dans le gameplay actuellement, là, la personne est en train d'aplanir le terrain pour faire en sorte que là, vous allez voir, c'est un gros château qui va se créer. Ah. Et là, en fait, c'est que votre population va continuer à grandir, puis vous pouvez lui donner comme des ordres, si vous voulez. Donc, soit que tu continues à peupler, soit que tu deviens agressif, puis tu vas essayer de partir, puis aller frapper sur les autres. Ou t'es plutôt neutre, tout dépendant. À côté de ça, toi en tant que dieu, t'as des pouvoirs. Donc évidemment, t'as le pouvoir qu'on voit là, de faire monter, descendre les terrains. Mais t'as des pouvoirs des calamités. peux faire, par exemple, un tremblement de terre. Mm-hmm. Et là, ce qui arrive, c'est que tu vas aller, par exemple, sur le territoire de l'adversaire, puis tu vas faire un tremblement de terre. Là, tu vas voir, bon, le niveau shake un peu. Là, c'est pas parti. Au niveau des graphismes, là, où, comme vous pouvez voir, là, c'est pas particulièrement grandiose. Ouais. Ben, d'ailleurs, t'as un livre à côté. Pour ça, là. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. L'interface est quand même assez spéciale. Ouais, c'est spécial. Moi, c'est discutable, disons. Ouais. C'est parce que en haut, ce que vous avez, c'est l'espèce de barre d'énergie. Parce que votre énergie DX là, ou DIFIC, là, ouais. Elle est contrôlée par cette barre-là. Puis okay. Plus elle monte, plus elle va vers la droite, plus vous pouvez donc lancer des calamités considérées comme étant fortes, mais problématiques pour l'adversaire. T'as rien qu'à comme enterrer ton ennemi de calamité. Ouais, ben c'est ça, tranquillement. C'est tout dépendant parce que l'adversaire aussi va t'en lancer. Là. C'est ça qui se passe. Là, là tu es tout le temps en train de gérer. T'en as-tu à l'infini? Non, non, mais c'est ça l'affaire. C'est que Colin. Si t'es. si t'es quand tu prends un pouvoir, ça va, ta barre va descendre. Puis ta barre est en fonction de ta population puis du nombre de populations que tu as. Et comment qu'elle va, etc. Donc, c'est toujours cette espèce d'équilibre-là entre je veux faire les attaques. Mais en même temps, il faut que je gère ma population, puis l'autre qui est peut-être en train de l'attaquer, etc. Fait que, bon, on prend. Les différentes calamités, vous avez donc le tremblement de terre. Vous avez, qui est ma préférée, les sables mouvants. Donc ça, c'est le fun parce que vous lancez ça sur l'adversaire, puis là, vous voyez, en fait, vous avez vraiment des sables mouvants partout qui apparaissent. Puis là, s'il y a des bâtiments, par exemple, les bâtiments se rétrécissent et deviennent moins puissants parce que là, il y a des... finalement, il y a moins d'espace pour grandir, ce bâtiment-là, et ça nuit à sa capacité d'avoir des points. Et aussi, quand les personnages ils sortent des bâtiments, puis s'ils tombent dans les sables mouvants, ils meurent. Pis, à quoi ils servent, ces personnages-là? En fait, ça, c'est comme ta population. Okay. Et puis, plus tu as de population, plus évidemment, tu sais, t'es puissant sur le tableau, si tu veux. L'affaire étant, c'est que à la dernière calamité que tu peux lancer, tu peux appeler l'Armageddon. Fait que là, l'Armageddon, ce qui arrive, c'est que tous tes personnages sortent des bâtiments, puis ils s'en vont dans un seul personnage. L'adversaire va faire la même chose. Puis là, vous vous battez, puis là, c'est le plus puissant qui gagne. Tabarnak. C'est comme la fin du monde. L'affaire avec ça, c'est que, bon, comme je vous disais, là, c'est extrêmement long. C'est une affaire de curseur, encore une fois, qui se passe dans un jeu de console. Ouais. Pas ouais, l'idéal. C'était tout le temps en train de te promener, essayer de regarder sa carte en haut, qu'est-ce qui se passe. Ben, c'est ça, parce que la carte est une zone, est un carré, ouais. Tu scrolles dedans. Ouais, t'es tout le temps en train de te promener. Tu te promènes pas dans un univers, c'est comme tu scrolls. Ça semble s'arrêter un bon jeu pour la souris de la Super NES. Ouais, ouais. c'est le genre de jeu. Il y en a des jeux. Le jeu de Vegas Stakes. Ouais, là, ouais, ben jeu c'est de casino, man. Ça marche avec la souris. J'aurais pris une boule, là, une roulette. Là. C'est le genre de jeu qui aurait dû avoir une souris. C'est qu'une manette, c'est. Mais à quoi il sert le livre en haut? Là? Okay, le livre, ça te montre la carte. Okay, ça te montre la carte globale. Fait que là, tu vois, tu sais, là, un peu là, en haut à droite, tu vois comme les points qui clignotent. Là, c'est un peu de la population. Puis, bon. De ces cartes-là, il y en a plus que 1000, donc ça vous donne une bonne marge de manœuvre là, pour ce qui est des différents scénarios possibles. C'est assez redondant. On s'entend, là, vous avez les calamités, vous avez la possibilité de créer des bâtiments, etc. Vous jouez avec le terrain. Par exemple, si vous lancez un volcan, le volcan, ça fait un gros pic, puis ça détruit les bâtiments, etc. Donc, la personne va être repognée pour redescendre. Là, ça prend des pouvoirs, encore une fois, pour jouer avec le terrain. Bref, c'est pas mal assez redondant. Y a-tu de la musique dans le jeu, là? C'est digne de mention. Non, c'est ça. Ça, c'est une affaire. Si vous jouez... L'ambiance est spéciale, tu sais, faut se mettre dans le mindset. Si vous jouez avec la musique de jeu-là, tu sais, c'est juste un cœur qui bat avec... Si, Paul! C'est des espèces d'affaires religieuses, c'est vraiment weirdo, là. Puis les sons, par exemple, quand il y a des personnages qui meurent dans les sons mouvants, ça fait... Mais vraiment ça, là, ça fait vraiment ça. Fait que, tu sais, honnêtement, si vous voulez jouer à ce jeu-là, peut-être vous prendre un CD puis le mettre parce que ça va probablement vous taper ses nerfs. Mais moi, je me souviens d'avoir joué à ce jeu-là, là, il était genre 3h du matin, puis j'étais comme shit. L'ambiance est vraiment fuckée, là. Fait que c'est. honnêtement, tu sais, ça va pas plaire à tout le monde. Ça prend vraiment des amateurs de ce genre-là. Mais par contre, ça, c'est un milestone dans les jeux de gestion déifique. Là. Ouais. Ça, c'en est un qui a marqué pas mal le genre. Puis, c'est sorti sur PC en premier. Tout à fait. Ça a été repris. Ce que tu mentionnes, c'est pas comme le premier jeu déifique reconnu, en tout cas. Qui a eu une bonne réputation, effectivement. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que ce jeu-là a influencé le jeu Spore. T'as une partie dans le jeu Spore là, qui est assez semblable à ce qu'on voit dans Populous. Populous a eu d'autres titres là, après là, qui étaient plus beaux par ailleurs là, et beaucoup mieux faits. Mais c'est effectivement, comme tu dis, là, c'était un milestone. Avant Black and White, lui il était déjà... Tout à fait. Oui, Black and White, c'était un gars. Bref, tu sais, allez-y, essayez-le, mais je suis pas sûr que... Je recommanderais nécessairement l'achat pour quelqu'un qui veut jouer à ça. Peut-être que un collectionneur, ça, c'est une autre chose. Tu pas vraiment un jeu de collection. Parce que toi, t'en avais eu plusieurs comme ça. J'en avais genre 8 à un moment donné. en vendre à 8$. Ouais, de 5 à 10$. Là, mais c'est ça. C'est tellement pointu. C'est comme, niche, là. Ouais, c'est niche. Ouais. C'est ça, là. Mais ça a quand même un intérêt historique parce que c'est exact. Ça a marqué quand même le genre. Là. Fait que bon, je suis pas une grosse note parce que je pense que c'est pas un jeu qui est particulièrement excellent. Donc, je lui donne un 3.5. C'est honnête. En fait, il y a plusieurs mécaniques là-dedans. T'sais, jouer à ça, c'est comprendre d'où vient beaucoup de mécaniques qu'on a dans les jeux de simulation actuellement. C'est ça. Et ça aurait gagné de jouer avec une souris ou un truc. Ouais, mais si vous préférez la version PC, elle est disponible sur Origin, en fait. La version originale. Elle était même gratuite à un moment donné. Je pense qu'on l'avait posté sur Métro Nouveau. Là. Il donnait à l'époque, mais là, elle est maintenant 5$. Là. Fait que si vous voulez aussi avoir l'expérience souris. Un 5$ à investir dans l'histoire des jeux vidéo. Le prix d'un éco-vedette. Ou un café Starbucks, c'est ça. Les gens calculent tout en café maintenant. Le gouvernement fait calculer en café. C'est vrai, le gouvernement calcule en café. Ah, c'est deux cafés par jour. On coupe tout ça. All right. Nick. On ira. C'est vrai, Nick. Je vais me chercher une bière. All right. Pendant ce temps-là, je vais parler de mon jeu. Ça, c'est Master Spy, en fait. C'est du studio Turbo Gun, donc c'est auto-publié. Ça, c'est vraiment, tu sais, c'est un studio indépendant, mais tu sais, dans la musique, mettons, tu vas avoir indépendant genre Sonic Youth, puis tu vas avoir indépendant genre The Lovely Feathers. Fait que la différence, c'est que genre, t'en as un qui c'est comme on préfère toujours indépendant Sonic Youth parce qu'on est real, man. Ben ça, c'est comme un indépendant genre, ils sont trois, OK? Ouais. Il y a deux gars dans le studio, puis un artiste... qui a fait la trame sonore, j'en reviendrai un peu là-dessus. Mais c'est vraiment, vraiment un jeu, là, comme on niaise tout le temps, fait dans un sous-sol. Là. Ben, c'est clairement ça. Ça, c'est deux gars en plus qui ont 12 heures de décalage horaire. Fait que c'est un projet genre Internet qui est devenu quelque chose de vraiment intéressant. Un beau projet de email. Ouais. Fait que, ben, on pourrait penser qu'ils ont échangé ça par FTP, j'imagine. Dropbox. C'est un projet Dropbox. Ouais, mais avoir le look du jeu, c'est clair qu'ils ont utilisé du FTP parce qu'il y a vraiment de l'inspiration ancienne. On pourrait dire les jeux rétro, c'est-à-dire indie, ont toutes une inspiration rétro. Lui, il en a une, puis il se cache pas du tout. Il le fait extrêmement bien. Là, on commence tout de suite avec une cutscene. Ça, là, c'est clairement, c'est écrit Ninja Gaiden là, partout. Oui. Dans les cutscenes. Fait que ce jeu-là, c'est quoi en tant que tel? C'est un platformer de précision mélangé avec un stealth game, donc du camouflage. Fait que ce que vous devez faire, en fait, c'est vraiment assez simple. Grosso modo, vous devez progresser dans des niveaux qui, des fois, ont un écran, mais des fois, ils ont deux, trois écrans. Vous allez aller chercher la carte d'accès pour débarrer la porte pour passer au prochain niveau. OK. Puis là-dedans, il y a comme... Il y a un scénario intéressant, là, tu sais, vraiment un petit peu années 80 où, tu sais, il y a comme... tu dois aller voler... des documents de quelqu'un qui est plus dans une compagnie parce que eux ils pensent qu'ils ont volé ses affaires puis ça pourrait causer la troisième guerre mondiale, tu sais. Il y a vraiment un bon humour dans les dialogues, tu sais. À un moment donné, Master Spy, qui est le personnage qu'on joue, tu sais, lui dans le fond, ce qu'il fait comme habileté, il se camoufle puis il saute. Pis c'est pas mal juste ça. Pis, c'est bien assez. Ils ont des propriétés différentes. Quand il n'est pas camouflé, il marche plus vite puis il saute de façon plus dynamique. Ouais, c'est vrai. Quand il est camouflé, à ce moment-là, il marche plus lentement. On le voit comme ça à l'écran. Fait que dans quand le fond, il est camouflé, il peut pas toucher aux ennemis. Hein, non, tu peux jamais voir. Toucher aux ennemis. Okay, c'est vraiment un jeu de stealth pur là-dessus. Là, tu peux jamais. T'as pas d'armes, t'as rien. Là. Okay. Donc, là, dans fond, visuellement, ça me fait tellement penser à Elevator Action, man. Ça me fait penser à Mission Impossible un peu aussi. Tout ça, en fait, genre Golgo. Ouais, Golgo 13. Tu sais, moi, il y a aussi, au niveau du look and feel. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Les images, là, ça ressemble un peu à certains jeux de Sierra au niveau de la facture visuelle. Ouais, c'est vrai. Tu sais, les vieux Sierra PC. Fait que, c'est tellement un beau mélange, sérieux. Ouais. Hey, check ça, la ville en arrière. Ouais, est côté malade. Blackthorn c'est aussi. Super. C'est malade. Que, la beauté de ce jeu-là là, est incroyable. Puis en plus, ils nous mettent un format 4.3 avec un. Il a comme fait un faux effet écran cathodique. Ouais, toi, c'est moins bien fait. C'est courbé dans les coins de l'écran en haut. Là, on le voit pas, là, mais tantôt, on le voyait. Mais c'est très bien fait. Là, ici, on voit le boss. Puis grosso modo, la première mission, c'est d'aller voir un gars incognito qui a un contrat à donner. Puis là, on va le voir. Puis c'est ça la première mission. Là, tu vas voir le gars. Là, c'est très drôle, on voit à l'écran que dans le fond, tu vas le voir là, parce que t'es un pro, tu dis « je suis ici pour l'interview », tu sais. Fait que là, il dit « ah, oh, qu'est-ce qui se passe ?» Il passe au bouton de la sécurité, il dit « non, je l'ai déjà défaite, la sécurité, je vais la refaire, je vais la remettre en circuit quand je vais sortir. » Puis là, il t'offre des affaires, il dit « j'ai une job pour toi, mais je vais te donner 10 000 $ Là, toi, tu réponds « ah oh, non, je peux pas le faire en bas de 50 000 $ Là, lui, il te répond « écoute, 100 000 correct, tu fais un job. Là, t'es comme, ouais, quoi? C'est ce genre de dialogue-là, tu sais, que, vraiment, qui se prend pas au sérieux. Là. Mais le jeu est extrêmement beau, tu sais. Puis c'est un. Comme j'ai mentionné, c'est un platformer de précision. Là, c'est quoi ce jeu-là? Grosso modo, on rentre dans un niveau, puis tout de suite, c'est comme un puzzle, en fait. Faut savoir comment on va le résoudre, tu sais. Okay. Il y a des unités, on peut jamais toucher aux unités. Tu sais, il y a des lasers qui peuvent te détecter, des humains, t'as des chiens. Les chiens vont au travers ton déguisement. Fait que quand t'es camouflé, dans le fond, les chiens peuvent te voir. À un moment donné, plus loin, il va y avoir des flèches qu'on va lancer. Il va y avoir des genres de mines à pression. Si tu sautes dessus, ça explose, mais si tu marches dessus, t'as du temps. Okay. Non, tu vas faire que ça prend 100 secondes. Pour péter du monde. Ouais, mais non, c'est toi en fait. C'est tout est vraiment pour te. T'attaquer. Négatif contre toi. Il y a même un tigre à un moment donné qui saute vraiment loin, tu sais. Si, bol. Fait que c'est assez difficile. Honnêtement, ce jeu-là. Fucking là, tigre, moi, j'ai joué à Novice, ok. Puis il y a un niveau Master, là. Puis je sais pas qui va être capable de faire ça, là. Okay. C'est extrêmement difficile. Ouais, Papa Cassette, tu vas sûrement être capable. Je serais peut-être capable. Toi, là, tu vas triper sur ce jeu-là. Ah, oh, man, je m'en vais m'acheter un PC c'est demain matin. C'est extrêmement difficile. Tu sais, ça, c'est un des bémols un peu pour moi. T'sais, moi, j'ai joué Novice, là, puis c'était dur. Tu sais, c'est comme, ça recommence rapidement. Si vous avez aimé un peu l'ambiance, un petit peu Hotline Miami, tu recommences un niveau vite. Oui. C'est le même. T'sais, ça n'a rien à voir avec Hotline Miami, ça, là, ça. Mais ça recommence vite. C'est ça qu'il faut. Quand c'est tough, il faut que ça recommence vite. Mais c'est tough en tabarnouche. C'est le même qu'on regarde le gars. Tu vas sacrer ce jeu-là, il est dur. Puis, tu sais, il faut vraiment que tu, tout le temps, tu changes entre visible puis invisible. Puis les amis ont un champ de vision X quand même assez restreint, mais tu sais, c'est comme une ligne droite. Ouais. Fait que, faut faire attention. Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça frustrant. À un moment donné, il faut que tu prennes des pauses de ce jeu-là. C'est comme, oublie ça, tu sais. Puis des fois, comme j'ai dit, il y a des niveaux qui ont des multiples écrans, si on veut. Puis des fois, ils sont gentils. Ils donnent un genre de. Je sais pas, ça ressemble à une pointe de gâteau. Là, c'est pas clair, c'est quoi. Puis c'est comme un save point, dans le fond. Okay. Fait que tu vas passer, mettons, au troisième écran. Là, tu vas voir les deux autres. Puis. Ok, fait que t'as des checkpoints dans le jeu quand même? Non, ben oui, t'as des checkpoints. Il y a comme un save automatique où tu vas commencer au début du niveau. Okay. Au travers un même niveau, c'est possible de prendre, d'avoir un checkpoint à un moment donné dans ce niveau-là. Quand ils sont trop compliqués, ils ont voulu. Ouais. Je suis sûr que c'est genre peut-être la touche novice. Là. Ouais. Si tu joues à Master Spy, c'est clair que ça va pas être là. Il y a pas tant de niveaux que ça en fait. Toi, tu vas les débloquer. Il y a 6 niveaux. Okay. C'est quand même très très long. Même s'il n'y a pas tant de contenu, c'est tellement difficile que vous allez passer beaucoup de temps. T'sais. T'sais, mettons, passer le premier niveau, là, vous investissez un minimum une heure et demie. Ça dépend de votre skill. T'sais. Une heure et demie sur le premier niveau. Pour comprendre tout ça et voir comment ça fonctionne. Comprendre. Il y a comme juste sauter puis switcher. Tu as raison, mais c'est tout ce qui se passe en même temps. Tu découvres ton personnage, même si c'est limité au niveau de ce que tu peux faire. C'est très très. C'est très très bien fait, ouais. Mais il faut aussi apprendre, puis t'apprends par l'erreur, ou puis ça, il n'y a rien d'autre. C'est des niveaux un peu comme Mega Man, tu vas mémoriser ce que tu vas faire dans un timing précis, tu sais. Fait que, très beau jeu en général, j'aimerais parler de la trame sonore là, qui est incroyable, tu sais. La trame sonore a été faite par un artiste, en fait, qui s'est joint à eux, c'est quelqu'un qui fait de la musique un peu ambiante, hein. Il s'appelle Esfero, ou Sfero, je sais pas comment prononcer ça, mais c'est très très bon, honnêtement. Heureusement que cette musique-là est là, dans des moments là, de recommencer le même niveau. Puis ça varie, tu sais. Puis c'est comme une musique ambiante. Au début, le premier niveau est un peu électronique. Le deuxième, il ressemble à genre du port essai rapide, tu sais, genre avec une espèce de guitare un peu espion, là, tu sais. c'est cool. Vraiment tout. Tu sais, la musique est écœurante. Si vous achetez la version deluxe, vous allez avoir le soundtrack qui va avec. C'est quelque chose qui s'écouterait vraiment bien pour travailler de la maison. Oh! J'en prends note. Donc, vraiment, vraiment bien. Puis le tout est très, très cohérent, tu sais. Puis je tiens juste à parler du sixième niveau qui est débloqué dès le début puis qui semble pas avoir rapport avec l'histoire. Imaginez, vous rentrez dans une ambiance qui ressemble à... au bug de Pac-Man, en fait, où ce qu'il y a des espèces le dernier de... screen. Ouais, le dernier screen, ouais. 256, c'est ça? Ouais. Ah, je m'en rappelle plus. Ça s'appelle Cyber World, tu sais, puis il est super dur, ce niveau-là, puis il y a comme des espèces d'affaires bizarres. De... Justement, là, l'écran, il y a beaucoup de noise dans l'écran, c'est très, très sale, puis il est dur en tabarnouche. Tu sais, vous allez trouver du plaisir à souffrir, en fait, là. Mais c'est vraiment un beau jeu, le fun. C'est pas pour tout le monde. C'est un jeu de stealth, donc on va jamais combattre les ennemis. C'est vraiment, vraiment de toujours les éviter. C'est un jeu platformer, c'est très difficile. Si vous jouez ça à PC, oubliez ça, là, le clavier, là, c'est comme à prohiber. Au début, moi, pourquoi ça a pris une heure? Là, j'ai fait un 15 minutes à essayer de passer au clavier en disant « Ah, je vais vivre une expérience PC complète. » Totale erreur. Là. J'ai plugué ma manette d'Xbox 360 parce que tu sais, ça avait juste pas d'allure en fait. Là. Ouais. Ça me prend une manette puis une bonne manette. Là. C'est très très tight, mais les contrôles sont bons. Tu sais, des fois les indie platformers sont pas super tight. Ça c'est tight en tabarnouche parce que ça vous le demande. Ce jeu-là, là, c'est vraiment de la précision. Puis c'est un beau produit. Comme j'ai dit, il est un peu prohibitif au niveau de la difficulté. C'est pas pour tout le monde. Il y en a qui vont se frustrer, qui vont abandonner. Mais je vous dis, là, juste pour les cutscenes, ça vaut la peine de continuer là, les niveaux. Là, puis, c'est vraiment là, c'est un très beau jeu. L'ambiance est bonne. La direction artistique est excellente. La musique est bonne. Là. Honnêtement, là, c'est ça. Comme je dis, le seul bémol, c'est que c'est très difficile. C'est pas pour tout le monde. Pour cette raison, moi, je donne la note de 4 sur 5. Excellent jeu, je vous dis. Si vous aimez les stealth platformer, allez-y là, sans hésiter. Puis juste pour le look and feel, pour les amateurs de rétro ou de défis là, techniques, là, oui. Allez-y. Puis ce jeu-là est juste 10$ sur Steam. Du CES, je pense. Allez-y, là, c'est pas cher. Là. Ça vaut vraiment la peine. Un beau produit. Un très beau produit, en fait. J'aime ça quand tu dis produit. Ça fait comme sérieux. Ah, si c'était sur Vita, je l'achèterais immédiatement. Ah ouais, hein? Honnêtement, là, c'est un jeu qui fitterait très bien ça sur Vita. Ça fitterait bien. Ouais. Sûr et certain. Je sais pas s'il y a un port possible, mais on s'entend que eux ils ont même pas de rating ESRB. Là, fait ah ouais, OK. C'est un jeu de sous-sol. Là, ah mais, ouais. Mais de très grande qualité. Là, fait ben, juste le visuel, la pochette aussi, le artwork du jeu lui-même, là, elle est très stylisée. C'est beau. Puis le menu est beau. Puis l'audio, j'ai parlé de la musique, là, mais quand on se promène dans le menu, puis dans les dialogues, là, ça fait comme... Ah oui. Puis il y a comme des tons, on dirait, c'est vraiment, vraiment... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça immersif. Là. Comme, allez-y, c'est un achat. Là, wow. 10$ PC, Steam, let's go. Là. Excellent. Cool. Fantastique. Fait que là, on va faire une pause. Puis après la pause, on va avoir une discussion par rapport aux les mobiles contre les consoles, parce que là, il y a Apple. On en a déjà parlé, mais là... On en a déjà parlé, mais c'est parce que là, il y a Apple qui rentre dans la course, fait qu'on en parle tantôt. Yes, sir. All right. Oui. À tantôt. Genesis does what Nintendo... On fait longtemps. We're back. On est live. On est live. On va faire une vraie transition. Là. Ouais, s'il vous plaît. Avant d'embarquer ces fun facts, je voulais juste, au nom de Rétro Nouveau, m'excuser. Pour le dernier épisode, il y a fucking manqué d'Internet. Ici, nos auditeurs l'ont vu. Et puis, c'est vraiment, il y avait un problème d'Internet dans Baptiste. Oui. Genre, pendant 2 jours, moi, je travaille ici, puis genre, j'avais plus d'Internet, je capotais. Donc, j'ai vraiment vu le gars de Vidéotron taponner dans un fil dans la cave. Et puis, il y avait vraiment un problème. Donc, c'était un excellent épisode qu'on a eu avec la gang de Trivio. Oui. Et puis, c'était super intéressant. Vous l'avez tous pas mal écouté, ce que j'ai vu. Oui. Il y a eu beaucoup de téléchargements. Mais je voulais m'excuser auprès des auditeurs et surtout auprès de Tribute eux-mêmes qui ont reçu un accueil que genre sont arrivés ici puis nous autres on était paniqués. Là, qu'est-ce qu'on fait? On n'avait même pas de bière pour eux autres là, tu sais. Ouais. C'était vraiment on était vraiment dans la marde. C'était un peu fail, tu sais. Je pense qu'on peut passer ici là. Mais on est content de les avoir reçus. Ça, c'est pour Luigi. Hein, c'est ça. Merci, Benoît. Non, mais c'est un excellent épisode. C'est un excellent épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. Ouais. Vous allez en apprendre beaucoup sur le monde indie. Et puis, si vous voulez le voir en vidéo, il est disponible en vidéo. J'ai réussi à réparer les fichiers. Ouais. Il est en ligne en ce moment. Là, ça a pris une semaine avant de tout mettre ça en place. Mais ouais, tout est là. Tout est sauvé, ouais. Finalement. Ouais. Ça a juste été un petit peu plus long que prévu. Donc, on s'excuse pour ça auprès de Tribute et des auditeurs. D'ailleurs, ouais. Shout out à Tribute qui ont quand même eu les nerfs d'écouter une critique de leur jeu en direct, face à face. C'est fou, hein? Ça. Aux gens qui la critiquent, ça, j'avais jamais vu ça encore. Ben, j'ai pas été rough, là, mais tu sais, il y avait des enfants qui me gossaient. Il y a des enfants qui me gossaient et t'es dit, puis j'ai trouvé ça correct. Ben, il faut le dire, là. Faut le dire. C'est important. En même temps, c'est pas comme des critiques. Dans le vide destructrice, genre. Ben non. C'est de la merde! J'ai vraiment joué au jeu beaucoup, puis je suis rendu pas mal loin, puis j'ai trouvé ces petites affaires-là qui gossaient. Fait que, exact. Je l'ai mentionné. Faut les remercier aussi de nous avoir donné le Tribute Code. Là. C'est une primeur qu'on a eu ça. Primeur à Rétro Nouveau, le Tribute Code. Ils ont juste pas dit. Ça sert à quoi ce code-là? Je sais pas si quelqu'un l'a trouvé à date. Rejouer à Mercenary King, c'est vrai que c'est là-dedans que ça s'utilise ce code-là. Ouais. Exact. Allez voir ça. Ouais. Alright. Pour nous tes fun facts, mon GF. Cette semaine, j'aimerais remercier Miyamoto pour mes fun facts parce que c'est tout lui qui me les a donnés. Parce que la semaine passée, c'était les 30 ans de Mario Bros. Mm. Ouais. Alors, pour l'occasion, Miyamoto a répondu à certaines rumeurs qui courent autour de l'univers de Mario depuis certaines années. Alors, en fait, je vais passer toutes les questions qu'il a répondues, puis je vais vous dire sa réponse, puis on va peut-être pouvoir parler de ça. Premièrement, au dernier épisode, j'avais dit que Mario, le nom venait du propriétaire de la bâtisse, Mario Seagull. C'est vrai. Ah ben, Moses. On vous donne pas de la merde ici. juste le vrai. C'était bien basé sur Monsieur Mario Mouette, tout ça. Deuxième question qui a répondu, est-ce que le Mario sur la pochette de Mario Bros au NES est en train de perdre une vie? Ah oui. Je vous montre l'image ici. On va... Oui, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Tout le monde parce que là, parle. Il est comme un peu dans l'air. Il est sur le bord d'un bloc. Finalement, il a répondu que non. Il est pas en train de perdre une vie. C'était seulement un choix artistique probablement d'avoir mis ces images-là en cover. Ça. Là. Ouais, parce que ces lignes-là, anyway, sont même pas dans le jeu. Les pixels, ça se place pas de mal non plus. C'est impossible. C'est quand même une drôle d'idée de mettre un mur de roche, un mur de briques direct devant Mario. Puis la lave qui lui lance une boule de feu en même temps. Hein, c'est, je sais pas. Puis ils ont mis la version de Mario justement qui lance le feu. Ouais. Ouais, ben ça, c'est un gros update. Ouais, c'est ça, c'est juste pour dire. C'est la grosse feature. Tu peux de pas ce faire là. Ça dans Mario Bros, mais là, tu peux lancer du feu, tu sais. Fait que c'était la nouveauté. Quand même. Mario Chat, ça a pochette. Fait qu'il meurt. Ouais, ouais, exact. Prochaine question qui a répondu. Est-ce que tu laisserais Dr. Mario opérer sur toi? Il a répondu non, là. Puis je pense qu'on pourrait tous répondre non. Juste qu'il fait des shot, shot. C'est plus pharmacien, Mario. C'est pas le docteur. Mario lui donne des pelules. C'est tout ce qu'il fait, là. Eh ouais, c'est vendeur de pilules. Ouais, mais attends, mon pocheur aussi fait ça. Sors dehors, ici, de sa rue. Il y a des docteurs Mario partout. Ouais, Mario. Il était gros, ses pilules, en plus. Ouais. Ouais. Je sais pas comment tu peux avaler une pilule de docteur Mario. Mais il dit tu sacrais ça dans le fond de la trachée, tu sais. Il est super content de ça en plus. Puis en plus, il a embarqué son frère là-dedans. Là. Il y a Dr. Luigi aussi qui existe. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Tout le monde l'oublie parce que tout le monde s'en sac de Dr. Luigi, mais mais il existe. C'est dans quoi qu'il existe? C'est un jeu? C'est un jeu. C'est un jeu de Wii U. Sérieux? Ouais. Sur Wii U, il n'a pas sorti Dr. Mario. Year, dans The Year of Luigi. DX ou whatever. Là. Ok, c'est bon. The Year of Luigi, mais le jeu existe encore. Là, tu pouvais pas juste l'avoir dans l'année de Luigi. Okay. Tu peux l'avoir encore maintenant. Malin. Je sais pas si les downloads sont bons, mais il a embarqué son frère dans son racket de pilules. Le tannant. Prochaine question. Ils ont demandé, est-ce que les bob-bombs, les petites bombes qui marchent à terre, quand ils explosent, est-ce qu'ils deviennent des boues? Est-ce qu'ils deviennent des fantômes, en fait, dans l'univers? Ouais, c'est pas fou, ça, cette mais affaire, lui, il a répondu que non. Ah, d'ailleurs, il répondait tout avec des gros signes de tête à la japonaise. Non, non, non, oui, oui, oui, là. Très comique. Ensuite, on lui a demandé, sais-tu qui est la mère de Bowser Jr.? Il a répondu oui, puis il s'est pointé la face. Donc, c'est lui qui l'a inventé. C'est lui, mais c'est lui la mère de Bowser Jr. Fait que j'ai cette belle image à vous montrer que j'ai trouvée sur le net. Là, Best mom. C'est pas mal ça. C'est comme gay un peu. Hein? Ah, il est magnifique. Je pense qu'il se voyait comme un père, un créateur. Bowser, une créature là-dessus. Malade. C'est cool ça. C'est très beau. On va ramener Moi, Bowser, dans l'univers de Mario, je trouve qu'il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Il est original. C'est une belle création. Ouais. Ouais. Moi, je trouve qu'il est temps que Bowser ait son jeu. Ouais. Tu sais, tout le monde a eu son spotlight. Puis Bowser, tu sais, oui. Mario. Il y a eu Mario Party 10, tu sais. Ouais, tu pouvais jouer faire Bowser, mais non, il faudrait comme un tu sais, pourrait rouler Super Bowser ou une affaire de même, tu sais, comme le jeu de Mario était cœur, tu sais. Le truc, c'est d'aller pogner la princesse. Ouais. Ça serait hot, ça. Ouais. Ou tu, justement, tu fais donc, comme la princesse. Pour avoir les tableaux à l'envers, tu sais. Ouais. J'avoue. Tu sais, une association, tu sais. Kirby fait souvent ça. Il s'associe avec les crottés qui l'écœurent pendant tous les jeux. Genre, là, ben, il s'en va combattre un être ultime, tu sais. Fait que c'est. C'est vrai, King DDD. Ouais, King DDD. Ils sont devenus chumés, là. Il l'écœure tout le temps d'habitude. Puis là, voyons ça, on va faire un tour ensemble. C'est vrai, ça. Prochaine question. Est-ce que Mario brise les blocs avec son poing? Oui. Ok, oui. C'est un uppercut qui donne Nazer. Hop! Ouais. Ça, il l'a même fait, Miyamoto dans la vidéo. Ouais, il l'a fait en vrai. Point Nazer. Ouais. Donc, la rumeur qui brise ça avec sa tête, c'est pas vrai. Là. Ah, ok. Ça a juste l'air de. Avant dernière question. Est-ce qu'une de vos courses se retrouve dans. Ben, une de vos courses. Un de vos tableaux se retrouve dans Super Mario Maker? Lui dit non, mais qu'il va assurément poster quelque chose éventuellement. Donc, il va faire son propre tableau. Ouais, quand il va finir son rush. Exact. Parce que c'est sûr qu'il travaille sur plein de projets en même temps. Son rush du prochain Metroid. Quand est-ce que tu fais ton tableau de Super Mario Maker? Mais là, il y a eu la réorg là, chez Nintendo. On en parlera pas, là, mais. Ouais, il y a un nouveau président. C'est le gars dynamique des ressources humaines là, qui est devenu... Il est palpitant, hein? J'espère qu'il sera pas dans les présentations, parce que j'ai hâte de le voir, genre, avec Reggie, genre, danser ou quelque chose. Ça doit être un excellent chanteur de karaoké. Il nous réserve quelque chose. Mais moi, j'ai lu qu'il était très... Il est vraiment plus business que, genre, funny. Ouais. Puis, il peut prendre les meilleures décisions pour mettre le stock sur le marché. Ouais. Et puis, il sait s'entourer, tu sais. Quand t'es un bon boss, on s'entoure de bonnes personnes. Ouais. En tout cas, mais c'est ça, mais c'est bon qu'il n'engage pas une rockstar. Puis je veux dire, c'est pas tous les exécutifs de Nintendo qui ont besoin d'être pendant les Nintendo Direct. C'est un schtick intéressant, mais moi ça me dérangera pas si c'est, admettons, Miyamoto qui prend le relais pour les Nintendo Direct, parce qu'avant c'était Iwata qui est décédé, Iwata, il était pas si dynamique que ça, tu sais, puis c'était un peu le gag, mais ils ont peut-être besoin de ça. Il n'y a pas besoin d'être là, non. Il pourrait engager, en fait, n'importe qui. Ben, Nintendo, je suis charismatique. Ubisoft, là, c'est l'animateur, là, c'est quelqu'un qui engage. Là, ouais. Il y a des développeurs qui vont venir une fois de temps en temps, mais ils font faire la job à quelqu'un d'autre qui est de toute façon habitué de faire ça. Là, exact. Non, c'est vrai. Non, j'ai confiance. D'ailleurs, vous irez voir la bande-annonce de Runbo, qui est un jeu sur Wii U. C'est un jeu qui a l'air super intéressant. Je vais aller me procurer ça. C'est un jeu de multijoueur à 9 personnes. Mais quand tu regardes la bande-annonce, Reggie est dedans. C'est comme c'est comme une espèce de jeu où finalement le principe, c'est d'arriver au but pour arriver à une coupe. Puis tu frappes les autres pour te rendre, puis tout ça, puis t'es pousses. Pis là, t'as justement tout le monde qui se pousse pis tout ça, pis c'est Reggie qui est comme « I got it! » Pis t'sais « My body's ready! » Ouais! Ben, je trouve ça le fun qu'il déconne encore de ce côté-là. Ça fait du bien. La dernière question qu'on lui a posée à Miyamoto, c'est « Est-ce que Super Mario 3 était seulement qu'une performance, une pièce de théâtre? » Ouais. Il a répondu oui. Ça a fait jaser cette semaine sur Internet. Ouais. Là, c'était évident quand tu y repenses, le rideau qu'il lève au début, la sortie de scène vers la droite à chaque fin de tableau. Mais si on va encore plus loin que ça, ça dit que les personnages dans les jeux de Mario sont des acteurs devant toi qui font une performance. Ouais. C'est pour ça que si on extrapole, on peut les voir ensemble dans les jeux comme dans Mario Party, Mario Tennis. C'est parce que dans le fond, c'est tous des acteurs. Dans la vraie vie, c'est des amis, eux autres. Mm-hmm. Non, c'est ça. Fait que personne ne se fait mal dans les jeux de Mario. Personne n'est en maudit. C'est juste une performance qu'on regarde. Ouais, puis il y avait aussi, justement, les gens, on parlait pas mal de ça, puis ils disaient que Mario 2, en fait, a jamais existé. C'est un rêve. Ben, il rêve à la fin Mario quand tu finis le jeu. Ouais, exact. Il rêve quand tu finis le jeu, puis que le troisième, en fait, c'était une grosse pièce de théâtre. Fait que, dans le fond, Super Mario Bros. 1, c'est le seul Mario qui a vraiment existé, puis après ça, c'est tombé sur la Wii, en fait. Fait que, tu sais, non, c'est tombé sur la 64, tu sais. Ouais. Comme si le 2 puis le 3 avaient jamais existé, que c'était juste comme. C'est pas fou, tu sais, quand tu regardes la culture japonaise aussi, les espèces de théâtres japonais, là, ouais. sont assez. Tu sais, tu peux trouver des parallèles à faire. Ça aussi, il y avait des espèces, dans le temps, le Japon, longtemps, fait des espèces de théâtres de marionnettes, tu sais, ouais. où c'était comme justement des designs là, qui bougeaient en arrière. Tu sais, c'est un peu, tu peux faire ces parallèles-là là, assez facilement. Là, mais ouais. C'est sûr que tu les fais par après, là, de savoir. Oui, c'est ça. Maintenant, on peut faire nos smats, là, ouais, mais c'est évident, mais j'ai trouvé ça quand même pas pire qu'il confirme. C'est très cool qu'il ait confirmé ça. Mais tu sais, il y a sûrement un prof de philo au cégep présentement qui prépare une dissertation sur l'univers. Moi, j'ai toujours su, tu sais, il rêve. Ouais, c'est ça. C'est la projection de Miyamoto qui dort avec sa mère. C'est ça un peu qui va se passer dans les 5 prochaines années. Moi, je suis certain qu'à un moment donné, si vous êtes au secondaire, que vous nous écoutez, un de vos profs de philo va vous servir cette salade-là et vous direz « Hey, t'as pas rapport. » Ouais, exact. Alors, ça fait le tour de mes fun facts pour cet épisode. C'est bon. Voilà. Excellent. C'est fantastique. Fait que là, pour la discussion, en fait, il y a Apple qui a annoncé lors de son dernier keynote qu'il rentrait dans l'univers du jeu, mais plus sérieusement. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que le nouveau Apple TV va avoir une manette. Dans le fond, la manette qui sert à contrôler l'Apple TV peut servir de Wiimote, en fait. C'est pratiquement le même principe que la Wiimote. Puis, il y a aussi des boutons dessus pour que tu puisses faire exactement ce que tu fais avec la Wii puis la Wii U. Fait que c'est ça. Eux autres, ils se lancent dans l'univers du gaming, mais surtout avec des jeux qui sont déjà disponibles sur le App Store. Mais des jeux aussi qui sont dédiés à cette machine-là, un peu comme Ouya l'avait fait avec Android. Mais c'est pas mobile, c'est juste de jouer à des jeux mobiles dans ta... Ouais, c'est ça, dans ton salon. T'imaginer, c'est un OS mobile, exact. C'est des jeux dans ton salon. Fait que ça va ressembler... Ouais. Le Ouya est un excellent parallèle. Ouais, c'est ça. Ouais. Sauf que c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit Ouya, parce qu'en fait, Ouya avait des jeux que tu pouvais pas jouer sur ton téléphone Android, tu sais, puis... qui avaient été faits juste pour la console. Exact. Puis eux autres, je veux dire, le fait qu'ils rentrent dans le motion gaming, mais le motion gaming, tu peux pas jouer à ça avec ton téléphone nécessairement, tu sais, ils ont présenté des exemples de jeux, tu sais, puis tu voyais un gars qui donnait littéralement un coup avec sa manette, puis c'était un jeu de baseball, tu sais. Fait que... Il rentre là-dedans. Fait que là, ça, on peut se poser la question encore. C'est comme, le mobile prend de plus en plus de place. Puis c'est vraiment devenu une force majeure dans le jeu vidéo. Puis c'est difficile de l'ignorer complètement. Là. Ben franchement, là, il est là pour rester. Puis, c'est ça, on a nos consoles de salon, puis nos consoles... portable qui commence à avoir de la misère quand même par rapport à ces titans-là de l'industrie. Je suis en train de jouer un excellent jeu DS, man. Ouais. Mon DS n'a pas de misère présentement. Non, je sais que ton DS n'a pas de misère. Mais... C'est malheureux. La DS des gens ont de la misère. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui joue sur leur téléphone plutôt que de s'acheter une console à cause de la facilité d'accès, tu sais, tout le monde a un téléphone, fait que là ils se disent ben moi en revenant de la job là, m'm downloader un petit Tetris là, puis ça va le faire, puis un moment donné ben ils se tannent de Tetris, puis là ils en download un autre, puis ces gens là qui avaient jamais été intéressés aux jeux vidéo avant, tout d'un coup s'y intéressent, puis commencent à avoir un intérêt, puis une bourse même pour ça, parce qu'ils commencent à dépenser sur leur téléphone. Je pense aussi, tu sais, le fait d'avoir juste cet appareil-là, qui est le téléphone intelligent ou, l'appareil mobile intelligent, fait en sorte que ça nuit globalement au mobile pour la simple et bonne raison que, tu sais, à un moment donné, là, on a tous un budget limité, oui. Là, tu sais. Puis, il y en a qui sont moins limités que d'autres, là, mais la majorité des gens ont un budget limité. Fait que payer ton téléphone 800$ sur 3 ans, là, c'est probablement un 800$ que tu ne mettras pas ailleurs. Oui. Et là, en plus, tu t'achètes des applications. Fait que là, à un moment donné, tu dis, OK, là, moi, j'ai un budget X, là, tu commences à jouer. Mais j'ai un jeu à 30$, j'en ai un à 3$. Ouais. je suis pas un hardcore gamer. Ça va faire la job quand je prends le métro. Ouais. Je l'ai déjà sur un appareil que j'ai. Mais bon, peut-être plus me tourner avec ça plutôt que de reluquer la Nintendo DS, whatever, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'il y a tout le temps le marché des gens qui vont dire que la console portable, c'est le best. Puis c'est sûr que c'est un hardcore gamer. Puis tu veux jouer sur la route, c'est la meilleure patente. Mais oui. Mais tu sais, c'est intéressant que tu parles de la DS parce que le gros marché de la DS à l'époque, il y avait un marché très féminin puis très casual. En fait, tu sais, les Cooking Mama, puis ouais. On se rappelle tous de ces jeux-là. Oh, Nintendogs. Nintendogs, qui étaient des jeux très, très casual. Puis la façon d'aller chercher les casual gamers, c'était la DS. C'était comme le pas que les gens étaient prêts à franchir en disant « Wow, qui c'est du gaming? » Il y a même Beyoncé là, qui avait fait une pub. Ben oui, elle avait fait une pub avec la DS. Elle jouait à... Voyons, Colin. Rhythm Heaven. Le jeu de rythme, Rhythm Heaven. Ah, fait que, ouais. Tu sais, mais ça, ouais. C'était vraiment dans excellent jeu. Il poussait là-dessus. Je suis sûr qu'elle n'a pas réussi un tableau. Non, c'est clair que non. D'autres choses à faire. Mais elle a du rythme, c'est sûr. Ah, ouais. Moi, je pense qu'elle a réussi un ou deux tableaux. Mais en tout cas, Charlotte Beyoncé. En faisant ça, on s'assure d'avoir un. Non, mais c'est les autres qui ont fini les niveaux pour elle, comme ça. Dans toute sa carrière. Mais donc, tu sais, avant, c'était ça. Puis là, maintenant, mais t'as bien raison, parce que là, en plus. T'sais, non seulement on a une bourse limitée, mais on a des poches limitées. Ouais. Ouais. Ah, ouais, comme, ouais. Ça prend un genre de commitment d'amener ta Vita, parce qu'une Vita, ça, dans une poche de jeans, ça a l'air fou. Ouais. Si ouais. Ça, c'est une affaire. Ouais, là. Si t'as la 3DS de sortie, c'est pas pire. Tu peux la mettre une poche de jeans arrière, puis ça va marcher. Exact. Si t'as une 3DS XL, un petit peu moins. Là, tandis que dans ta poche de jeans, t'as quand même ton mobile qui est déjà là. Puis les jeux chers sur mobile, sont 4-5 piastres. 10 ouais. Piastres, c'est comme wow! Là, j'ai ouais, 10 pensé, piastres, c'est next level. Tandis que les consoles, ben justement, il y en a du indie un peu moins cher. Mais quand tu vas ouais. Acheter les gros titres, mettons un Smash Bros, par exemple, ça va être un 45 ouais, mais là, piastres. On parle de quoi être pas mal plus poussé. Ça n'a rien à voir comme jeu. Rien à voir. Mais je dis juste que il y en a qui vont regarder comme ben, les sous. Pis de toute façon, je vais jouer juste dans le métro. C'est ça. Fait qu'ils vont mettre un 3 piastres ou même pas. Ils vont aller avec des gratuités. Là, mais moi aussi, j'ai un collègue qui a tout le temps été hardcore gamer. Puis là, à cause de sa nouvelle job depuis une couple d'années, il me dit « Garde, j'ai plus le temps de jouer aux jeux vidéo. Là. J'ai vraiment juste plus le temps à cause de ma vie. » Puis ça donne que de fil en aiguille, j'ai commencé à jouer là-dessus puis à trouver mon compte parce que moi, j'ai juste des 5 minutes dans la vie. Je n'ai pas ça, un 3 heures à investir dans un jeu. Sa job, il va jouer à Yahtzee aux toilettes. C'est ça. Ouais. Sauf que moi, j'aimerais mentionner que j'ai commencé à plus creuser dans le jeu mobile tout ça. Il y a des Christy de bons jeux, sérieusement. Ouais. Puis non, présentement, j'explore plus du tout mais le marché des mobiles. C'est ça l'affaire aussi, hein. C'est que c'est difficile de tu sais le marché, le store est pas bien fait, non. C'est pas invitant, t'as pas des pubs qui vont passer à TV ou t'as pas un E3 du mobile, tu sais. Il devrait. Oui, mais c'est pour vrai, il devrait avoir un reel ou quelque chose où tu vois plusieurs sorties. Mais tu sais, juste pour dire, présentement, je joue à un action RPG qui est vraiment réussi, là, tu sais, puis qui fonctionne super bien. Fait que, tu sais, je me dis comme, Christy, si je suis capable de jouer à un action RPG, à un jeu qui ressemble à God of War, à un first-person shooter qui a vraiment, sérieusement, la qualité console, à un jeu de char hallucinant qui n'est jamais sorti ailleurs, parce que, en plus, j'ai lu que les développeurs de ce jeu-là, ils ont fait... On voulait sortir sur Vita sur 3DS, mais ça nous coûte trop cher. Ouais, mais c'est ça souvent aussi. C'est la question que t'sais... de... Tu sais, en tant que... Quand tu développes, il faut que tu payes une licence à Nintendo ou à Sony pour le mobile. Tandis que tu arrives sur une plateforme iOS ou Android, ça coûte rien. Là. Ça non, coûte c'est ça. C'est ouvert à tout le monde. Ouais, mais tu codes, puis là, tu as besoin d'un c'est Apple. Ouais. Genre, tu as besoin d'un système... Un SDK, Apple, en fait, que tu achètes. Ouais, mais ça te prend le Mac. Ouais, c'est clair. C'est clair. Pour Apple. Puis dans le fond, eux, ils se prennent une ristourne sur tes ventes. Ouais. Au niveau du développement, ça coûte pas cher. Au pire, tu peux te faire une machine virtuelle, j'imagine, avec Apple. Puis tu peux... Je sais pas si ça marche. Légalement, tu n'as pas le droit de faire rouler le système d'exploitation à Apple sur un PC. Il y avait déjà eu des problèmes. Ah, OK. Excusez-moi. De même. Mais moi, en fait, quand je. Ton Hackintosh. Parce que tu pourras pas le publier parce qu'il faut que tu téléverses vers Apple. Puis eux autres, ils vont faire comme excuse ta machine. Non. Moi, c'est ça, quand j'avais développé des jeux iOS, c'était ça. On faisait en fait 70% des profits. Fait que c'est quand même pas pire, sérieusement. C'est 30, oui. Je me rappelais pas si c'était 20 puis, ou 30. Sérieusement, le montant, ça monte vite, là. T'sais, puis ça rentre dans ton compte rapidement. Puis tu sais, c'est parce que c'est mondial d'un coup, là. T'as même pas besoin de faire de classification, d'ISRB ou de trucs de même. Ouais, c'est comme tu lances ça. Puis tu peux être le vendeur, tu n'es pas obligé de passer par une grosse compagnie ou par un publisher. Tu peux t'auto-publier, c'est ça? C'est ça. Puis aussi, tu as comme des milliards de devices. T'sais, comme, si tu vas, mettons tu es smart, puis tu es chanceux d'avoir la possibilité de le faire dans les deux, tu t'en vas Android et Apple. Là, t'as comme, tu couvres à peu près 90%, 95% du marché. Là, c'est des milliards là, ton public cible. T'sais. Si tu lances un jeu sur la 3DS, c'est des millions, là, des dizaines de millions, peut-être centaines, je sais pas combien sont rendus au niveau des ventes, mais fait que le facteur est différent. En plus, tu as des kits. Tribute sont venus nous parler, là, il y a un coût d'acquisition de ces kits de développement. Ouais. Là, c'est pas gratuit. Il y a des partenariats que Sony a fait. Microsoft, je pense que cette semaine, j'ai lu qu'ils cancelaient leur système de partenariat indie. Je suis pas certain exactement des détails. Hey, mais fait que, tu vois, il y a des affaires où ce kit-là, là, la grosse machine chère, d'avoir ça dans chez vous, tu peux pas juste être un développeur dans un sous-sol. Puis bien non, souvent, c'est ça. T'sais, avant là, même, c'était difficile de l'obtenir. Maintenant, ils sont un peu plus flexibles. Mais tandis que comme ce que ça te prend, c'est mettons deux PC, puis tu vas créer tes jeux sur le système. La seule affaire, c'est vraiment les contrôles. T'sais. Ouais. Faut que tu te creuses la tête. Ouais, c'est ça. Faut que tu aies quelque chose. Mais c'est là, comme n'importe moi, c'est quoi. Ce moi, je trouve l'expérience tout le temps. Ouais, sauf quand c'est bien fait. C'est ça, j'allais dire. T'sais, c'est quand tu crées pour une console précise, ben Christy, tu vas réussir, tu sais. Tu sais, comme Game Dev Story, là. Exact. Ça a marché là-dessus, ça. C'est super bon, là. Yeah. Ouais. Mais notre jeu Slay-In, là, qu'on aime tant, là, c'est gauche-droite, la titre, puis le bonhomme, il avance tout seul, tu sais. C'est correct. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Mutant Mods sur 3DS. Puis il était gratuit à un moment donné sur mon téléphone, fait que je l'ai téléchargé, tu sais. Là, oublie ça, man. J'ai comme des boutons aussi, puis des faux analogues. Ça marche pas, ça. J'étais curé, je veux plus jamais jouer à ça. Mm-hmm. Parce que c'est un jeu difficile. Ouais. Puis il faut que le contrôle soit très, très, très précis. Puis, tu sais, Hotline Miami ou whatever, j'aurais jamais à ça sur mon téléphone. Puis je veux même pas rien entendre d'une version moindre pour que ça soit ajusté à mon téléphone. Ouais, c'est comme non. Là, mais tu vois, je vais payer pour jouer à la vraie affaire. Mais t'sais, le gars qui est casual gamer, il va essayer ce jeu-là, il va faire « Ah, c'est mal fait ». Il va en essayer un autre parce qu'il y en a genre 600 000 qui attendent en line-up. Pour c'est comme... Puis même dernièrement, j'ai entendu, tu sais, Assassin's Creed, moi, je jouerai pas sur console, il y a ça sur les téléphones. Puis ces gens-là sont. Metal Gear 5, fuck that. Ah ouais. Non, mais ces gens-là qui sont casual gamers, qui en ont rien à foutre. Non, mais c'est correct, ils jouent sur leur téléphone. Ils regardent ça, puis ils font comme, Christy, je vais jouer sur moi. Mais ce que je te dis, en fait, c'est que même si nous autres, tu sais, on le sait fondamentalement que c'est bien mieux de jouer sur une console. Ben, ça dépend des jeux. La grande majorité, la masse... Ça dépend comment il est designé. Oui, mais la masse va plus jouer sur un téléphone parce que la masse, c'est celle-là qui joue pas tant que ça puis qui va prendre ce qui vient facilement puis rapidement. Ben moi, je pense que rendu là, c'est une question du développeur. T'sais. Est-ce que tu veux faire un jeu de masse t'sais, à contrôle facile, Fruit Ninja, t'sais, ou tu veux vraiment comme... faire un Rogue Legacy ou bien un Binding of Isaac. C'est deux univers. Là, c'est pas... Ça, puis si tu veux vendre la pub aussi, si tu veux vendre la pub, les microtransactions, tout ça, c'est quelque chose qui est très fort sur les mobiles puis qui est pas aussi fort sur les consoles. Mais tu sais, c'est parce que justement, le coût d'acquisition est un peu plus élevé pour... quand tu achètes un jeu, maintenant, il y en a des microtransactions, surtout dans les plateformes, mettons PS4, Xbox One. Il y en a. Tu sais, c'est payant parce que ça s'est inspiré du mobile, on s'entend. C'est un modèle. Les gens ont été conditionnés à faire ça maintenant. Fait que les développeurs regardent ça et disent « Pourquoi je le ferais pas? » Puis ils ont raison de le faire. Ouais. La seule affaire, si vous n'êtes pas d'accord, achetez-en pas. Là, mais ça, c'est là. Mais le jeu gratuit, là, t'sais, l'avantage, c'est que genre « Hey, il est gratuit. Là, tu le sacs sur ton téléphone. Il est là. » À un moment donné, tu l'aimes. Si le jeu est assez bien fait, là, tu vas commencer à investir. Puis... la différence entre ton jeu, mettons on parle de Super Mario Maker, je sais pas, c'est quoi, 60$ peut-être? Oui. Ben, j'ai payé mon 60$, puis that's it, c'est fini. Oui. Quand tu vas aller, mettons, connaissez sûrement dans votre entourage des gens qui sont accros à Clash of Clans. Genre, là, c'est des rivières d'argent que tu peux mettre dedans. Oui. T'sais. À un moment donné, il n'y a pas de limite. Là. Non. Il y a des termes techniques pour ces gens-là, en fait. Ils appellent ça des baleines, en fait. Mm-hmm. Ça, c'est un petit pourcentage de tes joueurs qui vont consommer un très, très grand nombre de toutes tes dépenses X. Fait que, ultimement, ces gens-là sont ultra payants. Fait il y a des marchés, fait que les gens vont faire ça. Moi, ce que j'aime moins de cette approche-là, c'est que des fois, ça va donner un mauvais game design. Tu sais, quand le design est fait de te consommer, tu sais, on se rappelle, tu sais, c'était le fun à l'arcade à l'époque. Puis quand on rejoue, on s'aperçoit que, tu sais, on meurt tout le temps. Puis que, tu sais, il y avait vraiment. Quand c'était fait pour que tu dépasses tes 25 cents. C'était ça, exactement. Il y avait une genre de gimmick, là, tu sais. C'était pas fait pour que tu te rendes loin. Non, t'sais. C'est ça, mais c'est la même chose maintenant. Fait que là, des fois, il y a des jeux qui vont te limiter. Moi, ce que j'aime pas, c'est justement, tu me limites, tu peux faire 3 tours par jour. Là, je suis comme, pourquoi tu... Non, j'aurais payé 3$ ton exact. Jeu. 10$, fait que... Ça, c'est un truc-là. Moi, c'est ce que je trouve qui est... Présentement, c'est le plus gros poids des jeux mobiles. C'est que tout le monde dit qu'ils veulent aller en microtransaction, en free-to-play. Mais. Ah, le maudit free to play. Non, mais à un moment donné, tu sais, comme joueur, j'aimerais avoir le choix. J'aimerais dire, bon, mais gars, ce jeu-là, il coûte 20$. Oui. Puis je vais avoir une version complète ou je vais avoir le free to play. Parce que je pense que c'est un très beau modèle. Tu sais, League of Legends, j'ai joué énormément, là, peut-être beaucoup trop à ce jeu-là. Oui. Mais j'aimais la façon dont ils me le faisaient, tu sais. Je pouvais jouer, débarrer des trucs gratuits. Leur free to play était bien établi. Des fois, il y a certains autres jeux, surtout en mobile, tu sais, tu dis. Moi, je sais pas si vous avez joué des jeux de cartes, là. C'est ça, c'est la plus grosse gimmick. J'ai essayé un moment donné, j'étais comme, money. Moi, j'étais pas mal dedans, je m'apercevais qu'il fallait que j'investisse pour être bon. T'sais. Là, money, tu sais, le pay to win, là, qui est une extension du free to play, là, money, t'es comme, ah, ça, c'est non, poche, ouais. J'aurais payé 10 piastres. C'est plus tes skills, tu sais, c'est ton argent. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça la barrière. J'aimerais ça. Tu sais, il y a certains jeux qui le font que. T'as des microtransactions, genre des petits prix. Puis à un moment donné, t'as un prix, genre, mettons, un 10 ou un 20$, puis c'est comme « unlock everything ». J'aimerais ça que ça soit disponible pour tous les jeux, mais il y a de plus en plus de jeux qui, à la place, c'est comme « ah, achète 20 diamants, 5$, 50 diamants, ouais. ». Ça, ça a aucune fin. Là, t'as même souvent dans les choix, genre un 100$. Là. D'ailleurs, 100$ dans un jeu. C'est Candy Crush. Il y avait eu des pressions aux États-Unis pour que le Candy Crush soit considéré comme étant un jeu de hasard et non pas un jeu de un jeu vidéo parce que la variable financière là-dedans pour que tu puisses jouer de manière correcte est tellement forte que là, ils considéraient que c'était comme un jeu qui s'approchait beaucoup plus de la loto qu'autre chose. OK. C'est assez particulier. C'est grave, là. Ben, c'est comme, là, je fais une parenthèse complètement, mais tu sais, les fameuses machines là, où est-ce que tu as des pinces là, qui vont chercher des trucs. Oh, oui. Ça, là, tout est paramétré. Ça, il y a un pourcentage, pis ça, c'est ça. Ça, d'ailleurs, tu sais, ça devrait être un truc sur la loto, mais ça, c'est bon. Ouais. L'éditorial du jeu. Ouais, c'est ça, exactement. Mais pour retourner à la question du mobile, l'autre variable aussi qu'on pense moins souvent, là, c'est la question du temps. C'est-à-dire que si tu mets du temps sur un jeu mobile, genre sur ton téléphone, il y a encore une fois le temps est limité là, de chaque personne. Il y a vraiment du temps que tu ne mettras pas ailleurs sur d'autres jeux peut-être plus, plus poussés, là, comme soit d'autres jeux mobiles plus poussés ou encore du jeu console plus classique. T'sais, fait que c'est sûr que ça peut être un entre-deux, c'est-à-dire t'sais, je vais jouer juste dans le métro dans la titre, mais ces gens-là sont peut-être pas nécessairement des gens qui vont jouer rendus à la maison non plus. C'est ça, il y a ça. Parce que moi, mes jeux de téléphone, j'y joue pratiquement à part Game Dev Story dernièrement, là, mais j'ai pas vraiment de souvenir de genre il faut vraiment que je joue à mon jeu de téléphone. T'sais, mon jeu de téléphone, il sert à quand je suis dans le métro puis j'y suis pas souvent. Mais j'ai plein de jeux portable, Hotline Miami, Super Mario, Mario 3D Land, sur 3DS. Jouer chez nous, là, c'est sûr, parce que c'est profond, il y a des affaires. T'sais. Shovel Knight, Chris, c'est pas un jeu de téléphone, ça. Là, non. Mais moi, c'est ça le problème, c'est que j'ai fini tous ces jeux-là. Puis je suis un gars qui aime beaucoup la nouveauté. Je suis vraiment accro de nouveauté. Puis jouer à un vieux jeu, je vais le faire, mais j'ai quand même plus de difficultés. Puis Christy, dernièrement, le manque de nouveautés, justement, sur la Vita, sur la 3DS, il y a des sorties, mais il n'y en a pas tant que ça pour un gars qui joue beaucoup comme moi. Fait que Christy, je me suis surpris à jouer là-dessus. Je joue là-dessus, puis c'est rendu que... T'as subi ton appétit sur ton téléphone portable. Oui, Puis je joue même, tu sais, je joue dans mon lit, là, tu sais. Mais t'as le droit, Bruno. J'ai le droit. Mais tu sais, comme entre autres, des expériences, comme tu sais, il y a eu Hitman Sniper, ouais. pour moi, qui est comme une révélation cette année. C'est vraiment un des meilleurs jeux mobiles auxquels j'ai joué dans ma vie. Puis c'était vraiment bon, puis c'était bien fait. Puis tu sais, j'y joue encore. Moi, j'ai Fallout Shelter, que j'ai de la misère à décoller. Oui, exact. C'est tout con, là. Puis ça, pis... ils ont fait de l'argent avec ça, là, comme de l'eau. Ben oui. Puis il y a des jeux aussi qui sont qui ont été faits sur console, mais qui se jouent super bien sur un téléphone. Tu sais, comme il y a Army of Me, le jeu Valiant Hearts que Ubisoft avait sorti sur console. Il est identique sur le téléphone. Je savais pas qu'il était très bien. Important, moi. Oui, puis il joue super bien, tu sais. Puis, tu sais, des jeux comme les jeux de Telltale, ça joue super bien sur un téléphone. Fait que, tu sais, il y a certaines expériences qui sont bien portées sur les téléphones, puis il y a aussi certaines expériences qui sont bien créées pour les téléphones. Mais il y a des jeux de marde aussi, c'est sûr. Tu sais, comme si tu me disais demain matin, ben Shovel Knight va sortir sur téléphone. Impossible. Je le sais que la... Non, mais je sais que la bonne version est pas là-dessus. Non, mais c'est ça. Tu vas rusher à jouer à ça, tu sais, sur téléphone. Là, c'est parce ça. Que c'est pas fait pour ça. Peut-être que tu vas checker ton téléphone, ça va donner un coup de pelle. Ouais. C'est ça. Ça serait malade, ça. Non, mais moi, je joue beaucoup à la DS présentement. Puis il y a un jeu que je joue, tu sais, avec le stylet. C'est comme un genre de Endless Runner, mais que tu fais juste comme tracer des chemins en dessous du personnage qui avance, tu sais, puis tu le fais aller à des places. Tu sais, Nintendo avait tellement comme catché. Le tactile avant que les téléphones existent. Ben oui, mais là la DS est tight pour ça. La grosse mode, là, c'est. Les gens se questionnent, est-ce que tu es capable de jouer à ton jeu avec un pouce? Oui. Parce que t'es dans on le est métro, rendu à une main. T'es là. Dans le métro, puis tu tiens, t'es dans l'autobus, tu tiens ça. Fait que, tu sais, est-ce mais ça que. Ça fait du sens, parce que pour moi, tu sais, justement, je suis embêté là, dans le métro. Là. Meilleur exemple, c'est là que je joue mon maximum avec mon téléphone. Puis. Justement, t'es accroché ou t'as ton sac, peu importe, il y a quelque chose qui se passe. À jouer à une main, c'est très avantageux, là, tu sais. Puis moi, je pense que c'est juste complémentaire. T'sais. Tu vas aller chercher autre chose là-dessus, tu sais, que tu vas pouvoir... Mais quand tu mets deux mains... moi, j'ai essayé beaucoup d'émulateurs d'arcade, là. Tu sais, genre légal, là, qui te mettent sur l'Apple Store. Là, faut que tu payes des crédits, là. Ouais. Puis, tu sais, Street Fighter, tu sais... En tout cas, les versions d'arcade qui ont porté là-dessus, c'était pas bon. T'sais. Ils ont fait des Street Fighter, genre Street Fighter 4, que j'ai bien aimé, mais c'était quand même deux mains ouais, là-dessus. Ouais, t'sais. Ouais, mais ça, c'est. En tant que designer, ça veut dire que quand tu réfléchis au jeu actuellement, justement, tu sais que souvent les jeux vont jouer sur. On ne croira pas, là, le jeu, c'est sur la route, dans le transport en commun, surtout pour ces trucs-là. Ou, tu sais, t'as un petit 5 minutes, puis tu joues rapidement, là, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. T'es chez le médecin, rien, là, tu sais. Ouais, salle d'attente. Ouais. Mais il y a des... Moi, j'aime ça jouer Hotline Miami, j'ai le docteur. Mais j'amène les machines. Il y a différents dans mon types sac, de elles jeux, sont trop grosses, par exemple. C'est vrai, c'est pas portable, ça, Vita, moi, je trouve mais ça. Mais tu sais, il y a les jeux de type clicker, justement, qu'il y a beaucoup de monde qui aime. Puis des jeux à un doigt, il y en a plein, puis sont super bien faits. Fait que, tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts là-dessus. Puis ça, c'est quelque chose, justement, quand t'as juste une main. Tu sais, une 3DS, là, non? C'est impossible avec la 3DS. Puis moi, souvent, c'est ça. C'est là que je fais un choix dans le métro. Tu sais, j'ai tout le temps ma Vita, ma 3DS, puis mon téléphone. Puis là, je suis comme, ben non, il y a trop de monde dans le métro. Fait que je sors mon téléphone, ben, c'est là que les turn-based deviennent popés, tu sais. À une main, tu sais, la DS, là, ça reste quasiment jouable. DS, ben, à une main? Ça. 3DS, c'est un action RPG. Action RPG, c'est super cool, tu sais. Puis il est vraiment bon. J'ai des quêtes, tout. Je frappe du monde, j'ai une map. Tu sais, c'est juste que moi, ce qui m'épate, c'est que là, il y a des studios, des gros studios, comme entre autres, dernièrement, il y a une trolley de jeux de Star Wars qui sortent en prévision du film. Puis ils sortent tous sur mobile. Puis c'est des jeux de qualité, là, vraiment de grosse qualité, tu sais. Fait que je me dis, Christy, si c'est ça, à quelque part, tu sais, je comprends là que des je comprends justement, mettons, que Sony rush avec la Vita, puis que, tu sais, la 3DS, c'est quand même plus populaire, puis ils ont un plus grand bassin de personnes qui y jouent. Mais tu sais, moi, j'adore la Vita, là, mais je suis encore déçu de quand ils ont lancé cette console-là, qu'ils ont juste fait un téléphone avec, tu sais, Ben, ils l'ont fait, ils ont fait l'expérience. Non. Cette affaire-là, c'est pas... c'est horrible. Ça a l'air cool sur papier, là, mais il aurait dû faire la Vita téléphone. T'sais, moi, j'aimerais ça parler dans ma Vita. Là. Comme un gros téléphone. Tu trouves pas, c'est énorme, là. Non, mais je le ferais pareil. Ouais. Au moins, je pense qu'il aurait, il aurait cherché un... Ben, qu'est-ce qui a l'air d'un téléphone, la 3DS? C'est un flip. T'sais. Ouais, mais tu sais, c'est large. Et allô? Non, mais. La part de la vitesse aussi, bon, il y a toute la question d'ergonomie, là, tu sais, qui peut être remise en question, là, tu sais, mais. C'est sûr que, tu sais, c'est tout le temps la. Oui, parce que moi, je te dirais que ça me fait mal à la longue. Ouais, c'est ça. Triggers, ah, ça fait vraiment mal à la longue. Il y a toujours, tu sais, c'est. Souvent, c'est. Ah, ben. La console existe, mais il n'y a pas de jeu. Mais tu sais, il n'y a pas de jeu parce que les gens ne l'achètent pas. Mais exact. Là, c'est quand même, c'est un vicieux. C'est ça, là. Tu sais, c'est dur à dire. Est-ce que les gens vont se... Mettons, du jour au lendemain, là. Il y a une flopée de jeux exceptionnelle qui sort de sa Vita. Est-ce que tous les gens vont aller se garrocher en magasin pour aller acheter une Vita? Je suis pas sûr. Nécessairement, parce que les gens ont déjà perdu espoir. Ben, de toute façon, depuis longtemps, moi, c'est... Ça remonte à loin, là, des gags sur moi qui achète une Vita, puis que je suis le seul gars qui en a une, tu sais. Perdu espoir. Ouais, tu sais, mais c'est un peu ça qui se passe. Le monde a juste comme laissé tomber, puis, tu sais. Mais là, tu sais, dernièrement, au TGS, au Tokyo Game Show, j'ai posté de quoi ce matin sur Facebook. Ils ont sorti une bande-annonce avec plein de jeux super cool qui vont sortir sur la Vita. Au Japon, évidemment. Ça va sûrement sortir en Amérique du Nord parce que là, maintenant, ce que Sony fait, c'est juste emmener ce qui sort au Japon pour avoir un flot de jeux intéressant, tu sais. Mais elle est pas morte, la console. Non. Sauf que dans les yeux de tout le monde, c'est juste c'est fini. Là. Ça sert pas à rien d'essayer de trouver de quoi là-dessus. Fait que non, c'est Je pense que quand tu décides de sortir un jeu là-dessus, c'est comme un choix. Ouais. C'est purement un choix là, de tu le sais que tu vas faire mettons moins d'argent. C'est pas pareil, tu sais. Non, c'est pas pareil. Mais c'est drôle hein, parce qu'en photo, on dit toujours que le meilleur appareil photo que t'as, c'est celui que t'as sous la main quand tu veux prendre une photo. Je pense que dans le gaming, c'est un peu ça aussi. Ouais. Quand tu veux jouer, là, c'est quoi la console que t'as entre les mains là? Rapidement, c'est souvent ça. Ouais. C'est plate, mais tu sais. À moins que bon, tu traînes toujours ta 3DS ou ta Vita avec toi. Moi, c'est pas mon cas. Je sais que la Vita, je vais la traîner. Quand je vais, justement, je m'attends à avoir une salle d'attente ou je vais avoir un espace relativement intéressant pour jouer. Là, justement, je serai pas juste à une main. Ce qui va arriver au final, c'est que souvent, j'ai « OK, là, je peux jouer. » Je vais prendre mon téléphone. Mais c'est triste. Je traîne la chose sur laquelle je suis en train de jouer. OK. Comme présentement, tu sais, je joue sur DS présentement, un jeu que j'aime bien. Fait que, puis aujourd'hui, j'avais affaire en ville. Moi, je prends plus le transport en commun. Je travaille à côté de ma maison. Mais quand je le prends, comme aujourd'hui, là, j'ai une game de DS de starter. Fait que j'amène ma DS. Ouais. Et si j'étais en train de jouer à Hotline Miami ou bien Shovel Knight ou whatever... Et Mighty Gunvolt, tu sais, j'aurais amené la machine sur laquelle ma game a commencé. Ouais, mais c'est game spécial. Game Dev Story, j'aurais comme rien amené d'autre que mon téléphone. J'amène tout le temps mon téléphone pareil. Mais tu sais, comme la console, ma game de console portable va tout le temps comme prendre le dessus sur ma game de téléphone. T'sais. Moi aussi, sauf que. Parce que c'est plus profond comme expérience. Ouais. Sauf que tu sais, ce qui est triste quand même de la société maintenant, c'est que c'est devenu... Le téléphone est devenu une extension de notre corps. Là. La première affaire tu checkes quand tu te lèves, c'est ton téléphone. La dernière affaire tu checkes... Ton réveil est là-dessus. Oui. C'est comme la première affaire que tu prends. Toute ta vie est là-dessus, tu sais. Fait que... C'est pas triste, man. Faut s'adapter. C'est la vie qui est faite. Ouais. moi, je trouve ça un peu triste quand même, mais tu sais, c'est... Attends, tu vas tripler mec, tête et Google Glass, là, ça va être... Ouais, exact. Apple Watch, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais tu sais, ça fait partie de nos vies, mais c'est ça a pris le dessus sur nos vies, les téléphones. Fait que je pense que c'est pas surprenant non plus de voir ce succès-là du jeu mobile puis de voir tout le monde qui se lance là-dedans, mais. Je trouve que c'est la révolution de notre temps, tu sais, ces téléphones-là, man. C'est comme. Après Internet, c'est comme la nouvelle grosse affaire, tu sais, qui fuck nos vies, tu sais. T'as comme la TV. Là, tu as eu Internet, puis là, c'est comme les téléphones intelligents. Oui. C'est ce qui change le lifestyle des gens. La prochaine affaire, c'est la réalité virtuelle. Je pense qu'il va probablement avoir des imbéciles qui vont porter ça dans la rue. Faudra qu'elle soit très accessible. Là, À part chez vous avec ton casque ou whatever, moi je pense pas que, tu sais. Mais faut que ça soit tout le monde, tu sais. Ben, il y a encore. La TV, c'est tout le monde, Internet, c'est tout le monde, les téléphones, c'est tout le monde, tu sais, ça va. Ouais. Ouais, mais les téléphones, sérieusement, là, il y a 5 ans, on pensait même pas que ça serait tout le monde, tu sais. Il y avait qui avait des téléphones que tu flippes puis que tu fais tes textos avec un clavier qui est aussi gros que ta main, tu sais. Parce que l'iPhone a 7 ans, là, à peu près. Oui. C'est quand même le monde change, récent, là. Tu sais, puis quand l'iPhone est sorti, c'était la grosse révolution. Oui. OK, on a fusionné un iPod, on a fusionné un téléphone, puis on a fusionné un ordinateur au final. Là. C'est ça aussi. Oui. Ouais. C'est le fait de pouvoir mettre des applications sur ces bidules-là, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Oui. C'est la chose qui, dans des appareils ultra spécialisés comme la réalité virtuelle, c'est une interface. Oui. Ça, c'est un support où tu peux faire rouler à peu près n'importe quoi l'autre. Ça te projette des images. Il y a même une flashlight. C'est comme la vraie différence, c'est que les consoles, ça reste niche. Ça, c'est dédié, tu fais une affaire. Ouais. Ils ont essayé de faire des médias entertainment. Ah non, moi j'y crois pas. Ça, là. Aller sur Internet avec ma console portable, man, fuck it. Ça a pas marché. Jamais, là. Mais ça, c'est véritablement. C'est tout, là. C'est bien balancé. Fait que là, tu peux avoir justement. Là, tu fais check tes impôts, après ça, tu vas checker tes emails, tu vas checker un peu Facebook. Oh, je vais jouer un jeu. Fait que ça, ils ont bien réussi. Puis pour les masses, ça marche bien, tu sais. Mm-hmm. Moi, tu sais, je vois pas la fin des consoles. Moi, je le vois pas, ça. Non, moi, je vois pas la fin des consoles, ben franchement, mais je pense consoles que... Consoles portables. Ouais, les consoles portables. Ouais. Mais mais moi, je pense quand même que, tu sais, le déclin, admettons, de Sony, entre autres, avec sa Vita, tu sais... Sony va-tu annoncer une nouvelle console portable? Moi, je pense que moi, je pense c'est la fin. Ça finit avec la Vita. Je pense que ça finit avec la Vita. C'est l'impression que j'ai aussi. Puis déjà que Microsoft, tu sais, pendant des années, moi, je pensais qu'elle allait sortir une console portable, puis ils ont juste fait comme « fuck, non ». On le fera pas parce que ça vaut pas la peine. Achète un téléphone à la place. Puis ils sortent leurs jeux justement comme... Ils ont deux super bons jeux de Halo sur les consoles, sur les mobiles, tu sais, qui ont sorti aussi sur iOS en passant. C'est même pas juste sur Android. Fait que, tu sais, eux autres, ils se sont dit, on laisse faire, tu sais, on laisse tomber parce que l'avenir est pas là. Tu sais, pour un nouveau qui se lance dans le marché aussi, tu sais, encore une fois, tu sais, est-ce que tu veux... payer une licence ou tu veux juste dire ben gars moi je vais faire un je le fais là-dessus puis ça va coûter mettons 1 000$ puis c'est fini là. Puis tu sais il y aura jamais d'autres compagnies qui vont lancer une nouvelle console portable là, non je pense pas ouais, c'est mais ben, il y a les financiers il y a les PC là-dedans. En fait qui rentrent dans le marché aussi. Nvidia a fait une tablette de gaming. Ouais, puis là, ils ont des gros problèmes techniques avec. Ouais. C'est en train de devenir un flop financier. Ça chauffe trop. C'est plate, là. Mais c'est une niche, comme tu disais, ouais, Nick, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile. T'sais, même moi, les consoles portables, il n'y a pas tant de monde que ça qui ont des consoles portables. Là. C'est pas la majorité. La plupart des gens ont toutes des consoles de salon. À ce point-ci, là, autant tout le monde avait une DS chez vous qui traîne que la 3DS a pas été... Bien qu'elle a été bien vendue, là, mais c'est pas le même taux de pénétration. Vita, je pense que ça, on peut considérer un échec commercial. Bien que c'est une belle machine. Là. Mais rendu là, moi, je pense... On va peut-être assister à une autre génération Nintendo. Ouais, c'est ce que j'ai l'impression. Nintendo va s'essayer derrière la machine. C'est leur marché, peut-être, qu'ils vont continuer là-dedans. Mais tu sais, en même temps, on a annoncé pendant des années la mort du jeu PC, puis c'est jamais arrivé, puis ça arrivera probablement pas pendant un bout encore. Tu as raison. Fait que, tu sais. Peut-être que le jeu PC. Ouais, il y a bien du monde qui dit, tu sais, le jeu PC, c'est appelé à disparaître, parce que la console va. Ben puis il y a eu des mauvaises années là, dans les jeux PC. Là, à un moment donné, c'est parce que la question du piratage devenait vraiment trop problématique pour les développeurs. Puis il n'y avait plus d'argent à faire. Donc, d'ailleurs, il n'y en a pas vraiment à faire avec ça, by the way. Là. Moi, les statistiques que j'avais là, quand je travaillais dans l'industrie, là, le piratage est vraiment élevé dans le jeu PC. Là, faisant en sorte Ben, c'est le multijoueur qui sauve le piratage. C'est ça, parce c'est que là, il faut que tu te connectes à un serveur, il faut que tu aies la version la plus récente, authentifiée. Tu as du DRM aussi. Que la plupart du monde haït ça pour une raison plus philosophique que pratique, là, Digital Right Management. Mmh. Oui. On en reparlera un moment donné. Ouais, c'est vrai. Mais, hein. Ouais, c'est ça. C'est un long overdue. Mais tout ça pour dire que, ouais, au moins le multijoueur a sauvé, je pense, le monde PC. Puis maintenant, tu sais, il y a des nouvelles plateformes PC qui ont sorti, comme Good Old Games, qui faisait juste des parts de vieux jeux. Puis maintenant, offre des nouveaux jeux, tu sais. Puis il y en a plein. Green Man Gaming qui offre des codes. Non, ça, c'est fort encore. Ah, c'est ça. Mais moi, je pense alors que ça... les gens, il y en a plusieurs qui disaient que ça était pour mourir. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que c'est les gens se lassent de quelque chose ou s'ennuient de quelque chose, puis là, finalement, ça revient, tu sais, comme un peu le rétro, c'est ça que ça a fait. Tu sais, il y a eu un boom, comme dans les deux dernières années, qui est hallucinant, là, que tout d'un coup, tout le monde trippe sur le rétro, puis pendant des années, le monde s'en sacrait, puis je veux dire, ça donnait le console à n'importe qui, puis personne voyait de valeur là-dedans. Fait que là, moi, je me dis, c'est un cycle. À un moment donné, ça va probablement être ça aussi. On va tous s'en aller sur le cloud gaming. Fait que plus personne va avoir de console à la maison. Puis le monde va faire comme crime. C'est plate, ça, qu'on n'ait plus de console. Personne. Là, le monde va être tanné puis avoir de console portable parce qu'il n'en existera plus. Fait que là, tout le monde va se jeter sa Neo Geo Pocket. la Game Boy Micro. Comme tabarnak. Holy shit, color, Wonder's One. Street Fighter là-dessus. Les gens vont chier dans leurs jeans de voir tout ce que le beau stock qu'il y a là-dessus. Eh oui. Un Lynx. Atari Lynx, ouais. Hey, j'ai failli plus en avoir une, mais j'hésite là encore. Non, pas ça. Non, je sais. Non, avec California Games, pareil que c'est épouvantable. Non, mais il y a Ninja Gaiden là-dessus. Tu sais, il y a comme. Il y a des mille Rygar. Je prendrais le Game Gear, moi. Il y a des astis de bons jeux, mais je sais pas s'ils sont bons là-dessus. Tu sais. Mais la machine est grosse, puis elle consomme, puis tu sais, c'est pas belle. Combien de batteries là-dedans? Mais peint-toi un nomade. C'est comme un Genesis. Oui, c'est ça. C'est non, c'est Chris, man. C'est brutal, Sega Nomade. Ça te prend ça. Tu peux te défendre avec ça dans la rue. Ah ouais, facilement. Mais objet contondant. Ça c'est une machine portable. La Wonder's One, ça vaut la peine. Neo Geo Pocket, ça vaut la peine. Nomad, ça vaut la peine. Tu sais, il y a bien des belles petites machines portables. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je pense que le jeu portable, tu sais, les consoles portables sont pas mortes. C'est pas à veille de mourir. Tu sais, je veux dire, quand même, ils en vendent des milliers, des millions. Ouais. Des millions. Fait qu'il y a un marché pour ça. Est-ce que le marché va être croissant? Peut-être pas. C'est ça l'affaire. Ouais. Tandis que t'as d'autres marchés où il y a de la croissance. Là. Fait que, tu sais, pour une organisation qui fait des jeux, je pense à Nintendo, tu sais, bon, ils vont dire, OK, ouais, c'est bon, on sait qu'on va en vendre, là, des... C'est pas pour rien qu'on a fait le move d'on s'en va vers le mobile, là, parce que, tu sais, c'est un marché qui est en explosion. Tu dis, est-ce qu'on va cracher sur ce marché-là? Pas une bonne idée. Ben non. Non, tu peux plus l'ignorer. Et en plus, c'est parce que business, ça t'amène. C'est la meilleure carte de visite pour faire ça. Acheter des consoles de salon puis d'autres choses, tu sais, pour faire connaître leur licence. Fait. T'sais, faut penser que ces gens-là pensent business. Puis les autres, t'sais, ils font comme ben où est-ce que l'argent est? Là, une place dans tout. C'est ça. Non, c'est clair. Eh oui. Fait que, tu sais, Mario fait que c'est quoi le débat finalement? C'était qu'on. Ben, c'est ça. Console versus. Mobile versus console, parce que justement, tu sais, on est tous partagés là-dessus. Ben, nous autres, on est des gamers. Fait que je pense qu'on va continuer d'explorer tout. Ouais. Moi, c'est vraiment casual. Tout. Pour moi, pour moi, en fait, ça, c'est une console aussi. Ah non, c'est ça, absolument. Fait que, tu sais, puis là, je découvre des affaires. J'ai du fun au bout. Je joue dans mon lit, man. Des photos d'ailleurs, de ta blonde là-dedans. Ben ouais, des notifications eBay, man, sur Raiden, sur Atari Jaguar qui m'attendent. D'ailleurs, là, j'ai des petites suggestions pour vous, les amis. Oh. Je ferai pas des critiques de Météo ces jeux-là. Météo Média. Ouais, Météo Média, très important. C'est une bonne app. Non, mais des bons jeux mobiles, je vais vous donner quelques suggestions. Si vous avez juste un doigt, downloader. Ouais. Accident de moulin. Pauvre gars. Non, mais si vous pouvez le juste utiliser votre pouce dans le métro parce que vous êtes pogné puis vous tenez de quoi parce que vous allez revoler. Jouer à One More Dash qui est excellent. En fait, tu fais juste taper puis tu vas te rendre plus haut puis plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, puis c'est bien le fun. Il y a aussi l'excellent c'est un jeu de Half Brick, puis là j'arrive pas à me souvenir du titre parce que je l'ai pas. Radical Rappelling, où tu descends avec une corde en rappel, puis ça joue juste avec un doigt, ça aussi. Un autre très bon jeu à un doigt, puis ça, en passant, c'est des jeux gratuits. Il y a des microtransactions. Sérieusement, tu peux passer beaucoup de temps sans jamais rien acheter parce qu'ils sont bien faits. Il y a Brickies aussi, qui est un brick breaker, qui est très bon. Il y a Silly Sausage, dans lequel t'es un chat. T'es un chien. Puis il arrête pas d'avancer puis d'allonger. Puis toi, tu pèses. Puis là, il change de direction. C'est super le fun. Tu finis par te rendre à ta niche, man. C'est malade. Il y a aussi l'excellent Pac-Man 256. À ne pas oublier. J'ai commencé à jouer récemment. C'est le fun. C'est très bon. Ouais. C'est très bon. Puis tu swipe, en fait, pour te promener. Puis tu te promènes dans un tableau de Pac-Man qui est à l'infini. C'est un autre jeu gratuit en passant, avec des microtransactions, mais sérieusement, dépensez pas une scène là-dedans parce que vous pouvez jouer gratuitement et avoir bien du fun. Puis en fait, ça s'appelle Pac-Man 256 parce que tu te fais poursuivre par le bug 256 dont Nicolas parlait tantôt. Malade. Il y a aussi Star Wars Rebel qui est vraiment bon. C'est un platformer 2D. Je le conseille fortement. C'est de la très grosse qualité. Il y a un action RPG qui s'appelle Beast Quest aussi, qui est très bien fait, que je parlais tantôt. Il y a Paco Car Simulator, Car Chase Simulator, qui est un simulateur de poursuite de police qui joue juste avec deux doigts, gauche-droite. C'est très bon. Puis sinon, les dernières suggestions que je vais vous donner, ça, c'est vraiment dans mes tops. Il y a deux indispensables, d'après moi. Xenowork. Mélange Aliens avec un jeu vu top-down un peu, comme Diablo. Super bon. Puis il y a Sword of Xolan, qui est un platformer 2D dans lequel tu incarnes un chevalier un peu à la Conan. Puis c'est tout fait en 8 bits rétro. C'est vraiment, vraiment cool. Fait que tu sais, il y en a vraiment des super bons jeux là-dessus. Autant des grosses expériences assez longues que des petites expériences courtes. Il y a Lara Croft Go aussi qui vient de sortir de Square de Montréal. Fait que non, il y a du bon stock. Il y a du bon stock. Faut pas cracher là-dessus. Ça nous est offert. Ça nous est offert. Ça nous est offert. Moi, je vous recommande Phoenix HD. Un nom totalement c'est bon, poche ça. Pour un shmup, mais c'est puis un l'icône, très bon il est lettre, mais le jeu est bon. Il est pas si pire, là, mais... Ils ont-tu updaté? Parce que quand j'ai joué, là, c'était comme un espèce de rond orange. Dernièrement, il y a eu un beau petit upgrade. Ils ont amélioré le graphisme encore et tout et tout. Puis ils ont ajouté des vaisseaux spatiaux. C'est vrai, vraiment bon. Donc, bon shmup. Ouais. Ben le fun. Très bon. Juste à ça, ce mot-là. Juste à ça. C'est vraiment hard. Je check plus rien. Ah non, mais c'est un très bon jeu. D'ailleurs, les shmups, c'est vraiment une console de choix pour les shmups. Oui, c'est une autre façon de jouer à des shmups, mais ça le fait bien sur portable. Puis tous les jeux de cave, là, d'Odonpachi, Espelgarunda, c'est ça, je fais de la misère à le dire. Espelgarunda. Espelgarunda, 1, 2, et puis toutes ces affaires-là. Okay. Ils sont tous disponibles là-dessus. Okay. Et puis, t'as pas besoin de rien d'autre qu'un doigt, justement, pour déplacer ton vaisseau. Il tire automatiquement. Tu peux même avoir les bombes automatiques quand tu reçois un hit. Parce que, tu sais, dans les shmups, quand tu meurs avec, genre, 4 bombes, t'es comme « Fuck! » Tu sais, je meurs avec mes bombes au lieu d'avoir poivré tout le monde. Mais là, t'as un genre de truc automatique que quand t'as un hit, ben, ça tire une bombe, tu sais. Cool. Ça dépend de si les bombes avant de mourir. Donc, ils ont pensé à ces petites choses-là. Caline. Très, très, très bon. Des bullet hell parfaits pour le métro, pour être bien stressé devant tout le monde. Ça, ouais. j'ai jamais joué, mais ça a l'air que Dragon Quest V a été fait. Il y a une version qui a été faite exprès pour le téléphone, puis ça se joue à un doigt. Ils l'ont fait à la verticale. Ça a l'air que c'est hallucinant. Moi qui n'ai pas un gros fan de JRPG, j'ai pas joué là, mais. Tu me tentes en fait. Sérieusement. Je savais pas qu'il était bien fait, je savais qu'il y avait une version. Mais... Ben, ils ont juste des critiques parfaites. C'est genre des 95 checker. En montant. Boy, là. Okay, ouais. Fait que ça a l'air que c'est un indispensable pour un fan de RPG, ce jeu-là. Puis d'ailleurs, il y a Nintendo qui ont annoncé leur premier jeu, là, Pokémon Go. Qui est quand même assez intéressant. Puis en plus, c'est drôle, il y a un de nos fans qui nous faisait peur que c'était le poisson d'avril de Google, en fait. Puis finalement, c'est devenu un vrai. Wow! C'est ça, c'est vrai. Hein? C'est incroyable. C'est vrai, ça. Mais non, vraiment, kudos Nintendo, ils vont ramasser tout l'argent. C'est clair, tout c'est l'argent clair. Du monde. Tout l'argent chez Nintendo. c'est comme la. Pas de sens. Du moment que ça sort, là. Hey, sérieux, ça, Game ça va Freak, en faire du cash. Mais Game Freak, Nintendo et Google ensemble, là, c'est comme une nouvelle super puissance. Ça va faire du cash et des accidents. Parce qu'en fait, faut que tu trouves tes Pokémon dans le vrai monde. Ouais. Fait que j'imagine quand ton Pokémon là, est au coin de Saint-Laurent, Sainte-Catherine, là, sur une verte. Coin rouge, il est là. C'est ouais, Colin. Il y a des travaux d'or. Ah, c'est un petit plouf. Ah, j'arrive. Non, ça, ouais. All right. Sur ça. Sur ça. Conclusion, messieurs. Conclusion. On change la musique. On change la musique. C'est pas normal. Ben oui. Quand même. On va se tromper. Écoute. Okay. Arrête de te tromper, tabarnak. J'en gère pas assez en même temps. Ah, oh, j'ai fermé la musique. Bon. Non, on l'a. Hey, merci à tout le monde d'être là à toutes les semaines et de nous télécharger en grand nombre. Oui, oubliez merci pas, beaucoup. Oubliez pas d'aller sur notre Facebook et notre Twitter. On est actif, des fois moins, des fois plus. Des fois, c'est pas la même personne qui parle. Ouais. Puis allez sur retronouveau.ca. Il y a des blog posts qui sortent des articles. Que le monde prenne le temps d'écrire. Des articles, est-ce ils prennent le temps de l'écrire. Oui. Et puis de mettre des images, puis des liens. Puis on met tout ça en ligne. C'est mon gars. Allez voir ça. Allez voir ça, c'est bien. C'est du beau travail, de la belle ouvrage. La Christy, belle ouvrage. Nous autres, on en écrit rarement. Là, mais... Non, c'est ça. Ben, c'est moi, l'équipe de blogueurs. Moi, j'ai commencé, là, mais. Ben, moi, j'écris. J'ai un article qui dort, là, mais en tout cas, j'en parlerai pas parce que ça va être long, mais. Ouais. c'est ça. En attendant non, les autres qu'on pense mon absence. Aïe, aïe. N'hésitez pas à partager aussi, ça nous aide beaucoup quand vous partagez les épisodes et les blog posts et tout le reste. Absolument. Très apprécié. Absolument. En effet. Puis merci à tous nos donneurs Patreon. Ben oui, ça va on bien, vous aime sérieux. Beaucoup. Ça on va est, super comme, bien. On est vraiment contents parce que ça nous aide vraiment beaucoup. Pour vrai, là. Beaucoup, là. Ouais, ouais. Jeff, il est heureux. Je suis le bord de chercher un Montréal, là. Fait que, non, ouais, c'est ça. Bien. Non, on va sauver la retraite à Jeff, là, grâce à ce Patreon, là. Fait que, on s'en sort bien, là. Merci. C'est très, très apprécié. Très apprécié. N'oubliez pas que le plus grand donneur des deux prochaines semaines se méritera un poème de Pierre Lapointe. Ouais. C'est dans le garde-robe présentement. Ouais. Retourne dans le garde-robe. Sors du garde-robe. Retourne dans le garde-robe. Je comprends plus. Il n'y a plus de carrière. Il fait juste ça ici. Oh, wow. Je pense qu'il sort pour la Radio-Canada aussi. Il, ouais, show, là, il revient tout le temps. Mais ouais. Sacré Pierre. Cool. Incroyable. Alright, ouais, fait que je sais pas, est-ce que vous avez d'autres choses? Ben ouais, moi en fait, ben j'en ai pas parlé, là, mais dans les jeux rétro, là, ça serait le fun de parler un peu de Chrono Trigger.